amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz ou sur Internet. Parce que, évidemment, depuis Saint-Étienne et Miremont, on n'aimait pas jusqu'à Rome, hein, bien sûr, ni jusqu'à Paris. Alors, heureusement qu'il y a Internet qui prend le relais. Émission mosaïque. Ce soir, eh bien, vous aurez droit à une mosaïque de diverses et variées. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, les Russes doivent quitter l'Ukraine. Les Russes doivent quitter l'Ukraine. Ensuite, François Ruffin, soyez francs, dites-nous combien. Il est bien, Jean-François Ruffin. Il est rigolo et puis il parle vrai, il parle juste, hein. Ah oui. Mathilde Panot, assumerez-vous une catastrophe nucléaire? Assumerez-vous une catastrophe nucléaire? Point d'interrogation. Demande-t-elle au gouvernement. Oui, parce qu'il y a déjà eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et puis il y a eu des fois où on a frisé la catastrophe de très près. Hein. Et puis, comme disait Jean-Luc Mélenchon, une catastrophe nucléaire, par exemple, à Nogent-sur-Marne, eh bien, ça fait plusieurs millions d'habitants de la région parisienne qu'il faudrait évacuer. 12 millions d'habitants, je crois. Hein. Oui. Et puis, sans garantie qu'on arrive à décontaminer l'air, le sol, etc., l'eau, suffisamment... Bon, voilà. Enfin, ce serait invivable, quoi. Hein, ce serait... Bon, rappelons que Tchernobyl, c'est pas très loin, hein. Pas très loin. On a subi les conséquences. Hein. Toutes les femmes qui ont été opérées de la thyroïde doivent sans doute quelque chose à Tchernobyl. Alors ceux qui sont pour le nucléaire, réfléchissez bien quand même. Hein. Alors Mathilde Panot, les historiens critiquent Zemmour. Alors voilà, on prend des écrits d'Éric Zemmour qui se prend pour un historien qui veut. Qu'on le prenne pour un historien, qu'on croit qu'il est un historien, et des professionnels analysent les textes de Zemmour et démontrent qu'il ment souvent. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, sur France Info, réfugiés d'Ukraine, la France doit prendre sa part. Réfugiés d'Ukraine, la France devra prendre sa part. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon, France 3, la France doit être non alignée. Et puis, on va terminer avec une petite histoire. Francis Blanche, Pierre Dac, le tsar Rabindranath Duval. Voilà, bonne soirée, bonne nuit. Thank you. Emmanuel Macron s'est exprimé. Il l'a dit plusieurs fois que la France se tenait aux côtés des Ukrainiens. Est-ce que vous partagez cette position ? Oui, par la force des choses. C'est eux qui sont envahis. L'invasion russe en Ukraine change le cours de l'histoire en Europe, c'est une évidence. J'ai eu l'occasion de dire que c'était un recul terrible, parce que depuis 70 ans, on avait fini par se faire à l'idée qu'en Europe, le recours à la force n'était plus un moyen de régler les conflits. Alors on avait eu quelques chaudes alertes quand même, je pense à ce qui s'était passé en Géorgie, en Crimée, et surtout dans l'ex-Yougoslavie. Et à chaque fois, c'était le résultat, si vous voulez, de l'effondrement de l'Empire soviétique et du fait qu'on n'a rien négocié, ça s'est passé comme ça. Donc oui, c'est un grand changement qui vient de se produire, et il va de soi qu'il faut, quelles que soient les explications qu'on peut avoir sur comment on en est arrivé là, combien d'erreurs ont été faites, d'évaluation sur la situation. En attendant, il faut pas mollir dans le soutien à l'Ukraine et à son droit à être respecté et ses frontières préservées. Jusqu'à présent, vous avez défendu la position du non-alignement, non-alignement sur les États-Unis, l'OTAN, non-alignement sur la Russie. Est-ce que vous maintenez cette position ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions à l'égard de la Russie si on regarde maintenant la situation ? Alors, attendez, c'est deux choses. D'abord, le non-alignement, oui, ça va rester mon orientation politique. Et je pense que quand on n'est pas aligné, on peut être un acteur de paix. Mais être non-aligné, ça ne veut pas dire qu'on est neutre. Ça veut dire peser sur le jeu diplomatique aussi. Ça veut dire n'être dans les fourgons militaires de personne. Mais pour autant, non-aligné ne veut pas dire neutre. Nous ne sommes pas neutres quand un pays envahit le voisin sur le territoire de l'Europe. Je rappelle que pour nous, Français, l'Europe, le territoire européen, participe de nos intérêts vitaux. Et nous, Français, nous avons l'arme nucléaire. Et nous avons toujours dit qu'on ne permettra pas que l'Europe soit transformée en champ de bataille. Voilà les conditions dans lesquelles on évoque. Moi, je reste non-aligné. Je suis pour le non-alignement de la France, mais je ne suis pas pour sa neutralité. À l'inverse, je crois qu'on pourrait proposer que l'Ukraine soit neutre, de manière à ce que les deux géants, en quelque sorte, ne perdent pas la face, ni les Russes, ni les Américains. Mais pour ça, il faut pouvoir discuter. Pour pouvoir discuter, il faut être respecté. Il faut donc d'abord que les Russes sortent d'Ukraine. Et le plus tôt sera le mieux qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt de la guerre. Et puis on a un outil pour discuter, il existe, c'est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Il a été créé à la fin des années 70, pendant qu'on était dans la période de la guerre froide, les accords d'Helsinki. Donc on a un outil pour ça. Allons-y, utilisons-le. Et en attendant, est-ce que ça veut dire qu'on durcit les sanctions à l'égard de la Russie, comme ça prête à le faire ? Moi, je ne peux pas être contre le fait qu'il y ait des sanctions, mais... Alors, évidemment, quand on est dans une période comme en ce moment, il faut peser chaque mot. Mais j'ai la quasi-certitude que ça ne sert à rien, parce que ça n'a servi à rien, ni en Crimée, ni face à l'Iran, ni face à qui que ce soit. Ça peut être des instruments à certains moments pour manifester qu'on n'est pas content, qu'on n'accepte pas une situation. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'un bras de fer entre les deux grandes puissances qui sont présentes sur le continent européen, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la Russie. Bon. Donc il faut maintenant accepter d'entrer dans le vif du sujet, la sécurité. Que demandent les Russes ? Alors, les Russes demandent des garanties pour leur sécurité, et nous aussi, nous demandons aux Russes des garanties. Donc faut y aller, il faut discuter. Mais pour ça, si vous voulez, il faut que l'entrée en matière soit correcte. Il faut que les Russes se retirent de l'Ukraine. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui envahit, avec un envahisseur. Bon, et puis après, il faut accepter de se mettre à la table, de discuter de ces sujets. Or, jusqu'à présent... les États-Unis y étaient hostiles. Et même quand il y a eu ce qu'on a appelé l'accord de Minsk, dans lequel il y avait les Français, les Allemands, les Russes, les Ukrainiens, et puis les deux provinces ukrainiennes russophones, on a bien vu que les Américains, ça leur plaisait pas de pas être dans le jeu, de pas être là. Bon, et ils ont rien fait pour arranger les choses. Voilà. Alors, voilà comment on peut se guider. C'est aller à la difficulté, pas la contourner. Parce que alors, vous allez me dire, on fait des sanctions, je vais vous dire oui, puis après quelqu'un va dire, faut envoyer des armes, voyons, et puis quoi après ? La guerre. Or c'est précisément ce qu'on veut éviter. Donc, traçons un cadre, je pense que la France peut faire la proposition, mais aujourd'hui, le maître du jeu, ce sont les Américains. D'ailleurs, ils se sont passés de nous jusque-là, quand ils ont discuté de la sécurité en Europe. Je le regrette profondément. Alors, je veux bien mettre sous mon mouchoir toutes les bêtises qui nous ont amenés en cette situation, mais quand même, avoir s'être remis dans la situation où on ne sait plus quoi faire, parce que précisément les Russes font ce dont on les soupçonnait, c'est quand même inouï. Et je suis très malheureux de cette situation parce que nous sommes tous humiliés par un acte de violence terrifiant face auquel on a l'impression que la seule riposte serait une guerre encore d'un niveau encore plus élevé. Justement, si on regarde du côté de la politique interne, est-ce que, sans parler d'union sacrée, vous êtes pour une cohésion, un soutien un peu unanime de la classe politique aujourd'hui ? Il faut mieux qu'on avance tous en ayant à cœur l'intérêt de notre pays, hein. Moi, je parle que de ça, hein, l'intérêt de notre pays. Et l'intérêt de notre pays se trouve dans un ensemble de formules sur lesquelles on pourrait tomber d'accord. Notamment le cessez-le-feu, notamment le retrait des Russes, notamment la demande d'une conférence sur la sécurité. Je pense que sur des thèmes comme ça, on devrait pouvoir se retrouver. Mais il ne faut pas non plus que les uns ou les autres en profitent pour abuser de la situation et tâcher de s'en draper, parce que quand même, la responsable de ce chaos, et c'est pas moi, hein, je tiens quand même à le rappeler. Oui, parce qu'il y a des jours où je me demande, c'est pas de ma faute. Si j'écoute certains de mes concurrents, non, je pense avoir été même au contraire assez lucide. Je leur ai dit depuis le début, vous faites une erreur de croire que les Russes vont supporter la situation que vous voulez leur faire. Vous faites une erreur. C'est pas un jeu. C'est pas des gentils. D'ailleurs, il n'y a pas de gentils en géopolitique. Il n'y a que des gens qui vont au bout de leur logique. Et au demeurant, la Russie de M. Poutine a su, au cours des 20 dernières années, dans chaque conflit, poser ses pions de violence à l'endroit qui l'arrangeait et contre lequel personne n'a rien pu. Donc voilà, évitons l'usage politicien de la situation en Ukraine. Mais bon, après, il faut aussi que les Français décident. Hein. Il n'y a pas que les dirigeants politiques, il y a aussi le peuple français. Vous voulez quoi à la fin ? Bon, qui a raison là-dedans ? Quelle méthode on doit utiliser ? Moi, je vous propose le non-alignement, la politique altermondialiste, la paix, le désarmement. Bon, ça, si ça vous convient, je suis là. Si vous voulez autre chose, bah voilà, vous avez Monsieur Macron et quelques autres qui vous y ont amené d'une manière incroyable. Mais je crois que si vous voulez, c'est bien que ça soit dans la campagne présidentielle, à condition que il n'y ait pas une compétition stupide pour savoir qui est-ce qui aime le plus la France ou la démocratie. Parce que ça, c'est absurde. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, des choses concrètes. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Mélenchon, d'avoir réservé votre première réaction suite à l'allocution d'Emmanuel Macron. Mon frère arrive d'Angleterre au train de 4h30. Passer 8 jours et se distraire, c'est bon parfois l'air du pays. Paraît que là-bas il y a des brumes, alors nous on a mis des fleurs. Ça fait joli et ça parfume, et puis ça rend de bonne humeur. Papa a mis son beau costume, maman ressemble à une mariée. Moi peu à peu je m'accoutume à mon faux col et mes souliers. Mon frère est plus doué que moi pour suivre des études. Il faut des aptitudes, des dons que je n'ai pas. Mon frère d'Angleterre. Il faut le voir parler à table. Nous on se tait, c'est plus normal. Ce qui se passe dans une étable, ça n'est pas très original. Original, c'est la manière qu'il a de regarder Suzy. Suzy a tout l'air de lui plaire, et c'est ça qui me réjouit. Je me faisais un peu de bile, j'avais peur qu'il ne veuille pas de Suzy dans notre famille. On doit s'épouser dans 3 mois. Mon frère, il a de l'instruction et de l'éducation, c'est quelqu'un de très bien. Et puis, je l'aime bien. Mon frère d'Angleterre. Comme c'est court une semaine, chacun le dit à la maison. Moi ça me fait beaucoup de peine, mais j'ai trouvé le temps trop long. Depuis le jour où la luzerne s'est couchée en dessous, Suzy, Le pire c'était que sur la luzerne, mon frère était couché aussi. Ils n'ont rien su, et puis quoi dire? En Angleterre, c'est loin là-bas. Mon frère part, il doit s'instruire. Suzy aura besoin de moi. Mon frère retourne en Angleterre et moi je reste ici sur ma bonne vieille terre avec Suzy. On parlera de toi. Mon frère d'Angleterre. Mesdames et messieurs les ministres, voilà près de 5 ans que nous siégeons ici et c'est aujourd'hui la dernière séance, la dernière question de notre groupe au gouvernement. C'est l'heure des comptes et ils sont clairs. En 2017, nous prévenions les Français, Macron sera un Robin des Bois à l'envers, il va prendre aux pauvres pour donner aux riches. Tout l'a confirmé. Aux retraités, il a ponctionné la CSG. Aux précaires, il a supprimé les contrats aidés. Aux locataires, il a réduit les aides au logement. Aux jeunes, aux étudiants, il n'a offert que des colis alimentaires. Malgré les jolis discours, malgré, il faudra se rappeler que le pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, Martine, aide à domicile, continue de travailler pour 683 euros par mois. Hayat, accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour 934 euros. Rien n'a changé pour elles, sinon leurs APL un peu rabotées, sinon l'inflation sur le plein d'essence, sur leur caddie. Et les milliards économisés sur Martine, sur Hayat, sur les salariés, sur les retraités, où sont-ils passés? À l'autre bout. Alors qu'ils n'étaient que candidats, en 2017, on tendait un chèque à Emmanuel Macron. Quel sera le montant de vos cadeaux CAC 40? On lui demandait. Il refusait alors de répondre. Aujourd'hui, on sait. Avec la fin de l'ISF, avec la flat tax, avec les diktats, avec les crédits d'impôt, avec la suppression Brexit de la taxe banquière, avec la baisse des impôts de production et idem pour l'impôt de société, on a calculé, aujourd'hui c'est signé, c'est 163 milliards. C'est 163 milliards pour vos amis de Sanofi, 163 milliards pour McKinsey et compagnie, 163 milliards, un pognon de dingue Ruffin, qui ne va pas à Martine, déposez votre banderole. 163 milliards qui ne vont pas dans les écoles, qui ne vont pas dans les hôpitaux. Alors cette fois, soyez francs, dites-nous combien votre candidat, combien le candidat Macron, combien prélèvera-t-il aux retraités, aux salariés, pour les donner aux firmes, aux actionnaires? Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laisse pas que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Merci Madame la Présidente. Dommage que nous n'ayons que deux minutes face au discours bilan de Madame la Ministre. Parce que oui, Madame la Ministre, vous avez oublié des épisodes importants, le retour des néonicotinoïdes, le CETA et autres traités de libre-échange, le mensonge sur le glyphosate ou encore la médaille d'or de suppression d'emplois qu'a connu votre ministère. Mais je passe. Madame la ministre, vous saviez et vous n'avez rien fait. Oui, vous saviez que de graves problèmes de sûreté touchant la centrale de Tricastin avaient été dissimulés à l'autorité de sûreté nucléaire. Vous saviez que Hugo, lanceur d'alerte, était harcelé par sa hiérarchie pour avoir signalé des dysfonctionnements systémiques. Oui, vous saviez que la centrale avait été inondée sur trois niveaux, obligeant les travailleurs sur place à écoper avec un aspirateur et des raclettes empruntées à un prestataire extérieur. Vous saviez tout cela, Madame la Ministre, car vous aviez reçu Hugo à votre ministère le vendredi 30 juillet 2021. Qu'a-t-il été décidé à la suite de cette réunion tenue secrète ? Rien. Vous auriez pu saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, mais vous aussi avez choisi la voie du silence et de la dissimulation. Vous saviez et vous n'avez rien fait, probablement pour ne pas gêner les lubies du président de la République. À Belfort, c'est le fait du prince. Le président nous engouffre dans le tout nucléaire, sans plan ni étude d'impact. Avant d'être ministre, vous étiez favorable à un débat démocratique sur le nucléaire. Vous tiriez les conclusions du fiasco de l'EPR de Flamanville. Jadis, vous étiez sensible au sort des sous-traitants du nucléaire. Une fois nommé, plus rien. L'ADEME souligne dans un rapport qu'il n'y a aucune nécessité de construire de nouveaux EPR. Votre gouvernement l'a soigneusement censuré. Votre ministère prépare un rapport sur la gestion des déchets radioactifs. Disparu. Pas un mot sur les déchets radioactifs alors que les piscines de stockage de La Hague sont presque pleines. Où allez-vous les entreposer ? Mais surtout, Madame la Ministre, si vous êtes incapable de garantir la sûreté des centrales existantes, comment croire que vous pourrez garantir celle des 14 nouveaux EPR annoncés par l'apprenti sorcier Macron ? Et je terminerai par ça. Il suffirait d'un accident dans un seul réacteur pour condamner la France. Assumerez-vous alors, Madame la Ministre, d'être la ministre d'une catastrophe nucléaire ? Merci beaucoup. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air. À les entendre, on croirait bien qu'on est pinté tous les matins. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe mais swing à côté de leur godasse. Il y en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire. À les entendre, on croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens. Mais voilà, j'habite en France et la France c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il n'y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi... Il y a quelques semaines, un collectif d'historiennes et d'historiens s'est mobilisé pour débunker la manière dont Éric Zemmour instrumentalise l'histoire. Ils ont préparé une publication grand public et ils m'ont demandé si je pouvais relayer leurs propos pour toucher le plus grand nombre, ce que j'ai accepté. Pourquoi répondre uniquement à Éric Zemmour et pas à d'autres personnalités politiques, vous allez me dire. C'est vrai que tout le monde utilise l'histoire et pas forcément avec rigueur. Sauf qu'Éric Zemmour le fait avec une ampleur inégalée, c'est tout son programme qui est basé sur l'histoire. Il écrit des livres qui se présentent comme des livres d'histoire. Il la place au centre de sa démarche et non seulement il la déforme, mais surtout il la déforme de manière dangereuse. Et comme il nie les résultats de la recherche et attaque la profession des historiens, ils ont décidé de répondre. D'ailleurs, c'est pas du tout nouveau que les historiens prennent la parole ainsi en France, hein, où l'histoire est très importante. On l'a vu par exemple pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça fait partie de leur rôle d'apporter leurs compétences dans le débat public. Donc chaque historienne et historien a choisi une citation de Zemmour dans sa spécialité et y a répondu, a expliqué pourquoi elle est erronée, mensongère et ou problématique, et l'ensemble a été fact-checké par le collectif. Donc c'est leurs explications que je vais vous présenter, et ceci dans l'ordre chronologique des faits historiques. Tout d'abord, non, Clovis n'est pas oublié. Alors Éric Zemmour a écrit un livre qui s'appelle « Destin français » qu'on va beaucoup citer, et dedans il dit, je cite, « Clovis est désormais jeté dans les poubelles de l'histoire, comme un témoin gênant ». Donc là, il sous-entend qu'on parle plus de Clovis parce qu'il dérange, et que les historiens ne travaillent plus dessus. Et c'est Florian Besson qui corrige ceci. Je m'appelle Florian Besson, je suis docteur en histoire médiévale de l'université Paris-Sorbonne, j'enseigne l'histoire-géographie dans le secondaire, j'ai fait ma thèse sur les États latins d'Orient et les croisades. Donc Florian Besson nous dit que c'est vraiment pas compliqué de se rendre compte que c'est complètement n'importe quoi, qu'on n'a pas arrêté de travailler sur Clovis. Il nous dit, il suffit d'aller dans la base de données Regesta Imperii qui recense les travaux des historiennes et des historiens du Moyen-Âge. Si on tape Clovis dans la barre de recherche, on trouve 109 publications qui contiennent le mot Clovis dans leur titre depuis 1996, qui était une année de commémoration du baptême du roi. Donc il y a plein de publications, de colloques, etc. Alors du coup, peut-être qu'on peut se dire, bah, en fait, Zemmour parlait plutôt des publications pour le grand public. Et là, Florian Besson répond aussi que, par exemple, bah, en 2016, il y a eu un album de jeunesse « Quelle histoire ?» sur Clovis, une bande dessinée chez Glénat en 2021, un podcast de passion médiéviste en 2018, plusieurs articles dans les revues grand public comme « L'Histoire », des vidéos très regardées sur YouTube comme chez Nota Bene, des expositions comme en 2021 « Le monde de Clovis » au Musée Royal de Marimont, et qu'enfin, Clovis est explicitement cité dans les programmes d'histoire de CM1, etc., etc. Donc on est assez loin d'avoir effacer Clovis de l'histoire, et c'est vraiment hyper simple de se rendre compte que Zemmour ment là. Son but, c'est de développer une rhétorique complotiste et décliniste de la France, sur le ton de « on n'apprend plus les grands hommes aux enfants » et « on oublie ce qui a fait la fierté de la France ». Un ton qu'on va retrouver régulièrement, comme vous allez le voir. En fait, il le dit dans tous ses livres, la rhétorique de « on n'en parle plus », c'est hyper facile de son côté, quoi. Tu vois, ça lui permet de dire « moi je vous dis la vérité, moi je vous dis ce que les gens osent pas vous dire, moi je suis courageux, moi je suis tout seul contre les historiens ». Donc c'est une rhétorique très très flatteuse, et il le dit pas que pour Clovis, il dit exactement la même chose après pour Urbain II, en disant « Urbain II, ce grand absent des manuels scolaires, on n'ose plus prononcer son nom ». Tu vois, il y a vraiment une espèce de rhétorique comme ça de la damnatio memoriae, qui est très très pratique, quoi. Ça fait vraiment les méchants historiens gauchistes qui effacent l'histoire de France, et le courageux Zemmour qui est le seul à oser le dire. Non, la première croisade n'est pas une victoire française. Florian Besson répond à une deuxième erreur de Zemmour, toujours dans Destin français. Zemmour a écrit « La croisade est une immense victoire, une victoire française. Le salut de l'Europe chrétienne est venu de France. » Donc il y a deux mensonges là-dedans, nous explique l'historien. Premièrement, cette croisade dont Zemmour parle, qui est la première et qui a eu lieu entre 1095 et 1099, n'a pas sauvé l'Europe chrétienne vu qu'elle était pas du tout menacé. C'est au contraire un élément qui a permis son essor. Et contrairement à ce que dit Éric Zemmour, les conquêtes islamiques sont finies depuis un bon moment. Les Turcs Seldjoukides, qui ont constitué la dernière expansion islamique une vingtaine d'années plus tôt, là, ils sont divisés en émirats rivaux qui menacent plus du tout l'Empire byzantin. Juste entre parenthèses, quand on dit islamique, ça veut juste dire qui a trait à l'islam, la religion, et pas forcément à du terrorisme. Bref, il y a zéro danger pour la chrétienté occidentale en 1099, dit Florian Besson. Deuxièmement, la croisade n'a rien d'une victoire française. Zemmour confond volontairement les termes français et franc. Or, c'est pas du tout la même chose. Le terme franc, dans les sources, il désigne souvent les croisés. Mais ces sources, elles parlent par contre de plein de nationalités qui participent à ces croisades. Il y a des Français, mais aussi des Anglais, des Bretons, des Lorrains, des Normands, des Flamands, des Gascons, des Bourguignons, des Provençaux, des Goths, etc. Et tout ça, à l'époque, c'est plein de pays différents et de langues différentes, et tous ces peuples ne se définissent pas comme français. Il y en a qui vont le devenir, mais des siècles plus tard, explique l'historien. De toute manière, à cette époque, la notion même de France n'existe pas. Il faut attendre plusieurs décennies pour qu'elle apparaisse. Donc on peut pas plaquer sur le 11e siècle des identités qui n'existent pas à l'époque, ça n'a alors aucun sens. Dire que la première croisade est une victoire française, c'est une vision nationaliste totalement fantasmée par l'extrême droite pour inventer des origines glorieuses à la France, mais c'est scientifiquement faux. Zemmour, il reprend les historiens dont il s'est beaucoup nourri, il reprend Michelet et tous ces historiens au 19e siècle qui font l'histoire de la croisade, ils en font une victoire française, à un moment où il y a des luttes nationalistes très fortes avec les Anglais, aussi avec les Belges, où il s'agit vraiment de réapproprier la croisade dans un contexte de construction des nationalismes, et notamment des nationalismes colonisateurs, impérialistes. Il a jamais dépassé cette construction-là. Donc en fait, je suis même pas sûr, là derrière, qu'il y a un projet. En fait, ça reflète simplement son terreau intellectuel, qui est que littéralement, sur les croisades, il a jamais rien lu depuis 1936. Non, Louis IX n'est pas un roi juif. Toujours dans le même livre, Éric Zemmour a écrit « Le roi de France descend du roi David, le peuple français descend du peuple d'Israël ». Alors tout d'abord, attention, ici Zemmour n'entend pas littéralement que le roi de France descend de David, donc un roi d'Israël dans la Bible, mais il veut dire par là que les rois de France rechercheraient des racines juives. C'est encore une fois faux, mais pourquoi Zemmour prétend-il ça? C'est ce que nous explique la chercheuse Catherine Rideau-Kikuchi. Je m'appelle Catherine Rideau-Kikuchi, je suis maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Je suis spécialisée sur la fin du Moyen-Âge et surtout sur l'histoire économique et sociale du livre, et j'enseigne l'histoire médiévale du 9e siècle jusqu'au 15e siècle. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que les rois médiévaux recherchent des racines bibliques, non pas juives, et c'est très différent. Ce que veut la monarchie française, en particulier Louis IX, qui a régné donc entre 1226 et 1270, c'est faire du peuple franc le nouveau peuple élu, de la France une nouvelle terre promise, et ceci en utilisant une rhétorique très xénophobe et antisémite. Alors pourquoi Zemmour y déforme ce fait? Parce qu'il veut qu'on voit la monarchie française comme une synthèse entre universalisme chrétien et nationalisme juif. Et pourquoi lier la chrétienté et le judaïsme? C'est tout simplement pour s'unir contre ce qui est jugé comme l'ennemi commun, l'islam. Donc encore une fois, Zemmour déforme totalement l'histoire pour servir son idéologie, puisqu'il y a eu énormément de violences médiévales, qu'il minore en disant qu'il n'y a eu que quelques brûlés et qu'on a expulsé les juifs puis annulé ces expulsions, alors qu'en vérité, ces violences sont le cœur de la construction monarchique française, nous dit la chercheuse. La naissance de la nation française, elle se fait au détriment des juifs et de toute autre minorité religieuse. Les juifs sont expulsés et spoliés pour affirmer le droit de vie et de mort du roi, puis certes, ils sont réintégrés, mais finalement expulsés pour de bon en 1394. Pour Louis IX, les juifs, c'est de la souillure, c'est ça ses mots. Enfin, la chercheuse met en garde en rappelant que, d'une manière générale, un pouvoir qui se croit investi d'un destin privilégié et veut unifier religieusement son territoire est violent, mais que Zemmour préfère zapper ses violences pour implanter ses idées et tenter d'unir juifs et chrétiens contre les musulmans. Non, le Grand Ferré n'est pas un héros patriotique. Toujours dans Destin français, Zemmour a parlé du Grand Ferré, qui est un paysan pendant la guerre de Cent Ans qui a organisé la résistance de son village contre les Anglais et les a découpés à coups de hache. Or, pendant la Troisième République, donc au 19e et 20e siècle, on a besoin d'un joli roman national à transmettre aux petits écoliers pour fabriquer des bons petits républicains, et les auteurs le présentent comme un héros qui s'est mieux battu que les nobles parce qu'il a repoussé l'envahisseur alors que les armées françaises n'arrivaient pas à protéger les campagnes. Éric Zemmour reprend donc cette figure de héros résistant et il dit « Le Grand Ferré, il va incarner le peuple de France ». Alors le peuple se rebelle contre la trahison des élites prédatrices et leur appelle le chemin du patriotisme. Le Grand Ferré n'a plus jamais rangé sa hache au rayon des accessoires. C'est Claude Gauvard qui répond à ça. Claude Gauvard, je suis médiéviste, professeur émérite d'histoire donc du Moyen-Âge à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre senior de l'Institut universitaire de France. Donc la chercheuse nous explique que certes le Grand Ferré représente peut-être une certaine forme de révolte contre les élites, mais pour se défendre contre les Anglais, il a dû demander l'accord des seigneurs locaux pour s'armer et faire des fortifications. Donc non, c'est pas une rébellion contre la trahison des élites, comme le dit Zemmour. Ensuite, le patriotisme du Grand Ferré, c'est une invention de la République au 19e siècle, comme on l'a dit. Les sources médiévales, elles montrent juste qu'il lutte pour sa vie, pour sa communauté, pour ses terres, mais pas du tout pour le royaume ou la nation, qui sont des choses très abstraites à l'époque et encore peu présentes dans l'esprit des gens. Zemmour, c'est la recherche d'un roman national, donc il lui faut des héros. Charles Martel, c'est pareil, alors qu'on sait très bien que en face, Charles Martel, il y a eu quelques hordes de sarrasins. Bon, c'est vrai que c'est un arrêt, donc c'est important, mais c'est pas une victoire nationale, loin de là. Encore faut-il que la nation existe, et quand est-ce qu'elle existe, la nation? Elle existe à petits pas. Les frontières du royaume, perçues par les gens, perçues même par l'administration royale, c'est pas avant le début du XIVe siècle. Alors je suis peut-être un petit peu rigoureuse en disant disant ça, on va dire, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, quoi, avec Saint-Louis. Mais c'est une construction, il faut faire comprendre que c'est une construction. Si, au XIXe siècle, les auteurs ont fait du Grand Ferré un patriote résistant à l'envahisseur, Zemmour, lui, il en fait carrément le héros qui se révolte contre des élites qui ont oublié le peuple français, explique Claude Gauvard. Il parle non seulement de la faillite des nobles, mais aussi des marchands bourgeois parisiens et cosmopolites, pour pouvoir faire des résonances avec l'actualité d'une manière assez peu subtile. Or, c'est pas ça la réalité d'histoire, et c'est encore la déformer à des fins politiques, qui plus est en glorifiant la violence des armes. Non, les victimes de la Saint-Barthélemy ne sont pas les bourreaux. Dans un autre livre, Le suicide français, Éric Zemmour a écrit « Il faudra un implacable Richelieu combattant sans relâche l'État dans l'État et les partis de l'étranger pour abattre les La Rochelle islamiques qui s'édifient sur tout le territoire. » Donc pour comprendre ce que veut dire Zemmour par là, je rappelle déjà que La Rochelle c'était une capitale protestante et que Richelieu l'a faite assiéger en 1628. Donc on est sur un thème cher à Zemmour, le fait qu'il y a des communautés qui n'ont pas leur place en France. Et à nouveau dans son livre Destin français, il a carrément dit regretter que la Saint-Barthélemy ait pas arrêté les protestants. Donc en gros, il a dit que le massacre de dizaines de milliers de protestants, c'était pas assez. Et là, c'est Jérémy Foy qui nous explique la rhétorique de Zemmour autour de ce massacre. Je suis Jérémy Foy, je suis spécialiste des guerres de religion dans la France du XVIe siècle. J'enseigne à Aix-Marseille Université et je viens de publier un livre sur le massacre de la Saint-Barthélemy qui s'appelle « Tout ce qui tombe ». Visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié à la Découverte. Donc pour Zemmour, explique l'historien, les musulmans sont donc les nouveaux protestants et la Saint-Barthélemy a lutté contre ce qu'il voit comme le grand remplacement de l'époque. Donc pour lui, le massacre c'est un geste de résistance et il faut utiliser la force pour se débarrasser des minorités, donc des propos d'une violence extrême. Et comme souvent, il inverse les rôles en transformant les victimes en bourreaux, explique Jérémy Foy. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, pour lui c'est une réponse justifiée à ce qu'il appelle le fondamentalisme huguenot et aux persécutions que les protestants feraient subir aux catholiques. Mais quand même, nous rappelle Jérémy Foy, les protestants ont jamais représenté plus de 10% du royaume et ils ont été très peu violents. C'est un peu compliqué de comparer par exemple la Michelade de Nîmes en 1567 qui a fait 80 morts catholiques aux 10 000 victimes de la Saint-Barthélemy par exemple. En 1628, Richelieu avec son siège de La Rochelle, il a fait plus de 20 000 morts. Donc Zemmour fait des parallèles plus que douteux pour prôner une idéologie de la haine et de la violence vraiment la plus extrême. Non, les nazis ne sont pas les héritiers de Voltaire. Dans Destin français, Zemmour a écrit « Les Chamberlain, Gobineau, Rosenberg ne sont pas les produits odieux des anti-lumières, mais les fils des lumières. Pas les rebelles contre Voltaire, mais ses enfants dégénérés, les bâtards de Voltaire. » Donc en gros, il considère que Voltaire a inspiré les théoriciens du racisme du 19e siècle que sont Chamberlain et Gobineau, et des théoriciens nazis du 20e siècle comme Rosenberg. Alors déjà, il faut savoir que Zemmour est Voltaire. Et ça, c'est Jean-Luc Chappé qui nous en parle. Je suis Jean-Luc Chappé. Je suis professeur d'histoire des sciences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille plus particulièrement sur les transformations des sciences et des savoirs au tournant des 18e et 19e siècles. Alors oui, rappelle l'historien, Voltaire a été un financier prêt à investir dans la traite des Noirs, comme beaucoup de gens de son temps. Donc qu'on déconstruise le mythe de Voltaire pour comprendre pourquoi les choses ne sont pas manichéennes et pourquoi les Lumières c'est plus compliqué que ça, ok, très bien, mais c'est pas la démarche de Zemmour, nous dit Jean-Luc Chappé. Voltaire, en fait, il est très anticlérical. Or, l'Église affirme l'unité de l'espèce humaine. Donc Voltaire, dans le but de bousculer les dogmes religieux, valide l'existence des races. Par contre, il ne prône pas l'esclavage pour autant. Il défend dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations l'importance pour les civilisations d'échanger et de commercer ensemble et il remet en cause la supériorité de la civilisation européenne, ce qui plaît pas à Zemmour. Enfin, Voltaire, il est panthéonisé par les révolutionnaires français en 1791 et puis la Troisième République à la fin du 19e siècle lui érige des statues. Donc pour les penseurs adversaires de la République dont on parlait tout à l'heure, Gobineau, Chamberlain ou Rosenberg, il est au contraire l'homme à abattre et pas du tout un maître à penser. Mais en gros, ici, Zemmour déforme l'histoire pour pouvoir discréditer une figure qui incarne des valeurs qui sont opposées aux siennes. Non, la Révolution française n'est pas un complot. Éric Zemmour a écrit un article qui s'appelle « La Révolution n'est pas ce qu'on vous a dit », qui est le compte-rendu d'un livre de Claude Quettel. Et dedans, il y a deux idées principales. La Révolution, c'est juste une catastrophe sanguinaire, ce qui est une idée contre-révolutionnaire très classique. Et la Révolution, c'est un complot des sociétés de pensée, de philosophes et des francs-maçons qui ont influencé l'opinion au point de la monter contre le pouvoir et de faire éclater la Révolution. Et c'est pas un événement spontané. Tout ça, ça, ce sont des idées qui ne datent pas de Zemmour par ailleurs. C'est Guillaume Lancereau qui débunk ceci. Moi, c'est Guillaume Lancereau. Je suis docteur en histoire contemporaine et historien de la Révolution française et de son historiographie. Et je co-anime avec deux collègues le blog Écho des Lumières, qui s'efforce de vulgariser, de démocratiser les savoirs autour de l'histoire du XVIIIe siècle. Dire ça, nous explique l'historien, c'est dire en gros que les gens sont stupides et que les masses n'ont aucune autonomie politique. Et c'est aussi cracher sur ce qui est pourtant le fait majeur de l'époque, l'entrée soudaine en politique de plein de personnes qui lancent des nouvelles formes de participation au pouvoir. Si on parle de révolution, c'est parce qu'il y a eu d'un coup une accélération du temps, l'ouverture de plein de possibles et un profond renouvellement de la culture politique, nous rappelle l'historien. C'est des nouveaux rapports sociaux, de nouvelles hiérarchies, de nouvelles relations entre Église et État, entre riches et pauvres, administration et citoyens. C'est l'abolition des droits féodaux, la création de nouveaux secours publics pour les personnes dans le besoin et l'expérimentation démocratique. Et tout ça, forcément, ne plaît pas trop à quelqu'un qui prône l'autoritarisme et la hiérarchie, nous rappelle Guillaume Lancereau. C'est pourquoi Zemmour est incapable de percevoir les vraies dynamiques de la Révolution qui en font encore un objet actuel. Non, il n'y a pas eu de génocide vendéen. Encore dans Destin français, Éric Zemmour parle de l'épisode de la guerre de Vendée. Donc c'est une guerre civile pendant la Révolution qui oppose les armées révolutionnaires aux royalistes de Vendée, qui sont pour beaucoup des paysans. Et Zemmour utilise le terme de génocide pour désigner la violence dont fait preuve l'armée révolutionnaire contre eux, ce qui est un poncif récurrent d'extrême droite. C'est à nouveau Guillaume Lancereau qui répond à ça avec son collègue Vincent Denis. Bonjour, je suis Vincent Denis, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris. Panthéon-Sorbonne. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle et de l'histoire de la Révolution française. Donc les historiens rappellent que ce n'est pas du tout correct de parler de génocide parce qu'un génocide, ça suppose l'intention d'exterminer une population et l'organisation de cette extermination. Et c'est pas le cas ici, pour plusieurs raisons. D'abord, les Vendéens, ce n'est pas un groupe national, ethnique ou religieux et les violences ne sont pas exercées dans un territoire ciblé. Ensuite, les révolutionnaires n'ont pas du tout eu de doctrine systématique concernant la Vendée. Contrairement à ce que dit Zemmour, qui prétend que personne n'a été épargné, ils n'ont pas traité les Vendéens comme un bloc ennemi parce qu'il y avait aussi des républicains en Vendée. Et le vocabulaire utilisé est d'ailleurs révélateur. Les gens ne sont pas tués en tant que Vendéens, mais en tant que brigands. C'est le terme employé par les révolutionnaires pour les désigner, qui date d'ailleurs de l'Ancien Régime, et ils l'utilisent aussi pour d'autres régions. Par contre, oui, c'est une guerre civile horrible et énorme qui a fait près de 250 000 morts, mais la violence n'est pas ciblée, elle est totalement désorganisée et aléatoire. Elle dépend de la personnalité des officiers révolutionnaires qui sont dépassés par le flou des ordres qu'ils reçoivent. Donc, les chercheurs expliquent que ça n'a absolument rien à voir avec une planification méthodique qui constitue les génocides. Par contre, oui, ça montre une réelle culture de la violence à l'époque. D'une manière générale, la recherche a montré depuis longtemps qu'on ne peut pas parler de génocide de la Vendée, et même les historiens pro-vendéens n'osent plus défendre ce propos. Alors, pourquoi Zemmour le fait-il ? En fait, explique Vincent Denis et Guillaume Lancereau, sa démonstration, elle repose sur une manipulation de l'histoire pour servir sa prophétie du grand remplacement, qui veut que les populations européennes sont remplacées par un peuple de la diversité, selon le soi-disant plan des élites. Il dit par exemple que la France est une nouvelle Vendée, donc menacée d'extinction. Et il instrumentalise les cadavres vendéens. Or, rappellent les chercheurs, ces milliers de morts n'ont rien à voir avec les transformations actuelles des sociétés que Zemmour dit observer. C'est totalement abusif de comparer des gens qui rentrent en France à ceux qui ont commis des massacres au XVIIIe siècle. Et c'est encore une pure manipulation de l'histoire pour glisser des idées racistes. Non, les Français n'ont pas créé l'Algérie. Dans Mélancolie française, Zemmour dit que c'est la France qui a fondé l'Algérie en réunissant des tribus nomades. Et cette fois, c'est Sylvie Thénault qui répond à ça. Je suis Sylvie Thénault, je travaille sur la colonisation de l'Algérie et la guerre d'indépendance. Je suis directrice de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Donc elle nous explique que la conquête du territoire algérien par la France commence en 1830. Or, à ce moment-là, il y a en place une régence, la régence d'Alger, qui est une province autonome de l'Empire ottoman et ses habitants s'appellent déjà les Algériens. De plus, c'est une entité qui existe sur le plan international. Elle a signé des traités avec la France qui donc reconnaît totalement son existence. Et enfin, quand la France colonise la régence d'Alger, l'ordonnance qu'elle met en place en 1834, elle correspond juridiquement à une annexion. Et pour annexer un pays, bah, faut bien qu'il existe. Donc à aucun moment, la France n'a créé l'Algérie, ni elle ne le considère. La France n'a d'ailleurs pas non plus développé l'Algérie. Sylvie Thénault nous fait le bilan de l'Algérie après 1940. 1945. L'économie est sous-développée, il n'y a pas d'industrie, très peu d'emplois dans les campagnes et de la misère partout, d'où l'immigration vers la métropole. Il y a eu un plan de développement, le plan Constantine, mais seulement en 1958, donc 4 ans à peine avant l'indépendance. La population algérienne a dramatiquement diminué à partir de 1830, et pas qu'avec les épidémies et les famines, mais aussi avec les violences militaires que Zemmour passe sous silence. Ensuite, la croissance démographique reprend dans les années 70-80 et la minorité que Zemmour appelle Français blancs perd en permanence du poids. On a 1 million de Français contre 8 millions d'Algériens en 1954. Donc l'Algérie française, elle peut pas exister sans une infériorisation constante des Algériens, pourtant en majorité numérique. De ce fait, cette société ressemble à une société d'apartheid, avec une inégalité en tout domaine des Algériens. Bref, en fait, on retrouve ici une idéologie de suprématie blanche, nous explique Sylvie Tellot, et c'est encore une façon de présenter les faits de façon à distiller de la violence. On connaît beaucoup l'usage de Vichy à l'extrême droite, mais on n'a pas encore bien travaillé sur l'usage de l'Algérie française, alors qu'en fait, Éric Zemmour, avec son origine familiale, en parle beaucoup. Il ne dit pas que des choses fausses, c'est le jugement qu'il porte. Ouais. C'est-à-dire, lui, il regrette que les Algériens n'aient pas disparu, en gros. Vous vous rendez compte ? En fait, c'est très grave ce qu'il dit. Non, Dreyfus n'est pas coupable. Dans deux chroniques de Face à l'info sur CNews, les 29 septembre et 15 octobre 2020, Zemmour revient sur l'affaire Dreyfus. Alors pour rappel, il s'agit d'une affaire qui s'est passée à la fin du 19e siècle et qui a entraîné un gros conflit social et politique. Le capitaine Alfred Dreyfus, juif et donc coupable idéal, avait été condamné pour trahison et finalement réhabilité. Et pendant les 12 ans qu'a duré cette affaire, se sont affrontés une minorité qui demandait la révision d'un procès injuste et ou illégal, et une majorité qui, au nom de l'ordre, de l'autorité de la chose jugée, de la raison d'État ou de l'infaillibilité de la justice militaire, s'opposait à toute révision du procès. Finalement, il a été définitivement établi que les deux condamnations de Dreyfus en 1894 et 1899 étaient plus qu'une erreur judiciaire. Elles constituaient, à proprement parler, un crime d'État. Et parmi les défenseurs de Dreyfus, bien sûr, vous vous rappellerez sans doute de Zola qui a publié l'article « J'accuse » dans le journal L'Aurore. Or, Zemmour, dans ses chroniques sur CNews, affirme d'une part que cette affaire est floue et d'autre part que la victoire des Dreyfusards a entraîné de grandes purges dans l'armée. Et pour lui, cette purge, elle a carrément conduit à la déroute de l'armée française en 1914 et au grand nombre de morts qui en découlent. Donc en gros, Zemmour, il dit que c'est parce que Zola a défendu Dreyfus et que les Dreyfusards au pouvoir ont purgé l'armée de ses éléments anti-Dreyfusards, qu'une dizaine d'années plus tard, autant de Français sont morts sur le front. C'est Philippe Auriol qui répond à ces propos. Je m'appelle Philippe Auriol, je suis spécialiste de l'affaire Dreyfus et aujourd'hui je suis directeur de Maison Zola Musée Dreyfus, qui est le musée consacré à l'affaire Dreyfus. D'abord, il n'y a pas eu de purge dans l'armée à l'issue de l'affaire Dreyfus, puisqu'il y a eu une amnistie en 1900 pour mettre à l'abri des poursuites tous les protagonistes de l'affaire. Au pire, dit Philippe Auriol, il y a eu quelques carrière ralentie par des ministres qui essayent de républicaniser l'armée, mais il y a plein d'officiers anti-Dreyfusards qui ont poursuivi leur carrière sans aucun problème. Donc quand Zemmour soutient que le « j'accuse » de Zola et les purges imaginaires qui en auraient été la conséquence expliquent le grand nombre de morts de 1914, en fait il montre sa totale ignorance des sujets sur lesquels il s'autorise un avis. Et il s'agit de complotisme, ajoute Philippe Auriol. L'armée française, elle s'est pas privée de ses officiers anti-Dreyfusards, il explique, comme elle ne s'est pas privée de ses techniques offensives. C'est juste que ces techniques étaient totalement périmé. Ensuite, laisser entendre que l'affaire Dreyfus est une affaire trouble et qu'on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé, ça relève encore une fois du complotisme et du révisionnisme. S'il y a une chose qui est bien claire, c'est bien l'innocence de Dreyfus et la responsabilité de l'état-major. La recherche a totalement tranché, on sait qui a écrit le bordereau qui accuse Dreyfus, l'écriture du coupable a totalement été identifiée, contrairement à ce que dit Éric Zemmour. Et si la chose est claire pour les historiens, elle l'est aussi juridiquement. L'affaire est officiellement close depuis 1906, il y a des milliers de pages d'enquête et de débats à la Cour de cassation qui peuvent pas laisser planer le moindre doute quant à l'innocence du capitaine, nous rappelle Philippe Auriol. Non, les mutins de 1917 ne voulaient pas continuer la guerre. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une série de révoltes de soldats au sein de l'armée française, refusant de continuer la guerre face aux conditions effroyables dans lesquelles ils se trouvaient et aux lourdes pertes humaines. Or, Éric Zemmour a écrit dans Mélancolie française qu'en fait, les mutins se sont révoltés parce qu'on les empêchait de poursuivre une grande offensive qui les conduisait à la victoire, l'offensive lancée sur le chemin des dames. C'est Nicolas Offenstadt qui débunk ça. Je suis Nicolas Offenstadt, j'enseigne à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai eu plusieurs terrains de recherche et un des plus récents, c'était de travailler sur la Première Guerre mondiale et aussi la manière dont elle a été écrite, racontée, sur les enjeux de mémoire de cette grande guerre. J'ai aussi travaillé sur sur l'Allemagne de l'Est et là aussi un petit peu sur ces questionnaires de savoir comment cette Allemagne de l'Est a été écrite et comment sa mémoire s'est construite. Donc je travaille souvent à l'articulation de l'écriture de l'histoire et des enjeux de mémoire, de la manière dont les sociétés se souviennent d'un événement. L'historien nous met en garde. Une des plus grandes trahisons à l'histoire, c'est d'attribuer aux gens qu'on étudie des motivations qu'ils n'avaient pas pour servir sa cause personnelle. Et là, c'est ce que fait Zemmour avec les mutins. Nicolas Offenstadt nous rappelle que ces hommes, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont à la guerre et que dans leurs lettres, ils racontent à quel point ils souffrent et ils veulent qu'elle s'arrête. Donc Zemmour, qui vient légitimer son idéologie anti-pacifiste, prétend que ces hommes se seraient révoltés pour pouvoir continuer à mener une offensive qui s'est révélée pourtant complètement ratée et hyper meurtrière. Et elle est un échec dès son lancement, le 16 avril 1917. Elle a été mal préparée et les Allemands en face tiennent bien le coup. Et si l'offensive s'arrête, c'est parce que l'adversaire résiste, mais aussi parce que les soldats mutinés disent stop. Nicolas Offenstadt nous rappelle que, comme Zemmour est contre le pacifisme, il passe totalement à côté de ce qui faisait la réalité de l'expérience de guerre, le rejet croissant de ce que les hommes vivent dans les tranchées. Et l'historien ajoute que le nationalisme et le bellicisme outrancier, ce ne sont absolument pas des bonnes grilles de lecture pour comprendre l'histoire de la guerre. Non, Pétain n'a pas préparé la revanche. Dans Mélancolie française, Zemmour a écrit « Dès son arrivée au pouvoir, Pétain voulut rendre à l'Allemagne la monnaie de sa pièce, imiter la conduite souterraine de la République de Weimar après l'armistice du 11 novembre 1918, préparer en douce une armée pour la revanche de la revanche de la revanche. » Cette idée que Pétain a préparé une revanche est totalement fausse. Et c'est Alia Aglan qui répond à ça. Bonjour, je suis Alia Aglan. J'enseigne comme professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis spécialiste de l'histoire de la résistance française et plus largement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La chercheuse nous rappelle que le régime de Vichy s'est délibérément engagé dans une collaboration avec l'occupant allemand, allant même jusqu'à proposer au Reich d'utiliser les installations en Syrie et en Afrique du Nord pour les aider à lutter contre l'Empire britannique et donc contre les gaullistes. Pétain n'a pas du tout préparé une armée en douce, il s'est contenté d'une armée d'armistice avec seulement 100 000 hommes en métropole et avec très peu de matériel vu qu'il a été massivement saisi par les occupants. Il y a eu certes quelques cadres de cette armée qui sont passés à la résistance lorsque cette armée a été détruite en 1942, mais c'était sur leur propre initiative. Et ils ont été sévèrement réprimés par Vichy. Donc on peut vraiment difficilement parler de préparer une quelconque revanche, explique Alia Aglan. Au contraire, elle nous dit, Pétain a utilisé la défaite pour culpabiliser les Français, en particulier ses prédécesseurs au pouvoir, notamment ceux du Front Populaire. Donc c'était une coalition de partis de gauche qui a gouverné en France entre 1936 et 1938. Et parmi eux, Léon Blum, ancien président du Conseil avec d'autres dirigeants, ont été traduits en justice en tant que fauteurs de guerre. Donc la seule revanche que prend Pétain, c'est une revanche politique en interne, dit la chercheuse. Zemmour est même allé jusqu'à supposer une connivence entre De Gaulle et Pétain, qui sont quand même les deux grands ennemis. Il parle d'eux comme du glaive et du bouclier, donc en imaginant un genre de partage des rôles entre eux, avec De Gaulle qui continue à lutter depuis l'Angleterre, et Pétain qui se sacrifie pour rester auprès des Français et les protéger et limiter la casse avec l'occupant. Et donc là, Alia Aglan nous explique que ça, c'est une totale fiction qui est déjà développée par les défenseurs du maréchal Pétain pendant son procès, à l'été 1945, et que reprend Zemmour. Le jour du débarquement, Pétain a même dit aux Français de ne pas se mêler d'un conflit qui ne les concernait pas. Donc on est vraiment très loin de préparer une revanche, et c'est assez fou quand même de vouloir réhabiliter le maréchal Pétain. C'est sidérant en 2022 de parler autant du régime de Vichy qui n'est quand même pas dans le souvenir des Français la période la plus heureuse. C'est vraiment déchirant. C'est des déportations, des rafles, c'est du travail forcé pour les Français, c'est du rationnement, c'est de la faim, c'est de la peur, c'est de la misère. Et donc moi je suis sidérée que ce soit un programme d'avenir. C'est un programme puisque sous le régime de Pétain, on a pu discriminer les Français, faire des catégories de citoyens français, des citoyens qui n'étaient plus citoyens, des Français qui n'étaient plus Français. C'est ça qu'on va aller pêcher dans le passé pour dire que c'était pas si mal que ça parce que ça a protégé les vrais Français, entre guillemets, on sait pas ce que c'est, mais les vrais Français ont été protégés. Les autres ont été expulsés et bon, si on leur a fait du mal, finalement, bon, c'est pas l'État français qui est responsable. Le pire, c'est que ça marche, comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir de Guillaume Meurice à l'émission Par Jupiter. Le maréchal Pétain reviendra sur ce qu'il a fait. On reviendra sur ce qu'il a fait. Parce qu'on l'accuse beaucoup d'avoir suivi Hitler, mais il avait aucune liberté de manœuvre, le maréchal Pétain. Ah, vous pensez qu'un jour on réhabilitera le maréchal Pétain? Je pense qu'il n'avait pas le choix. Hein. Ah oui? Ah bah c'est une victime alors dans l'affaire. Bien sûr. Enfin. Mais oui, d'ailleurs, balancez les hashtags, je suis Fifi. Je fais le sacrifice de ma personne à la France. Est-ce qu'il n'a pas sacrifié, pour le coup, des milliers d'autres personnes? Ah ben ça, c'est pas à nous d'en juger, c'est du passé, ça. Si, Pétain a bel et bien tué la République. Et donc, dans son projet de vouloir réhabiliter Pétain, bah Zemmour s'en prend aux historiens dans Destin français, parce que les historiens disent unanimement que Pétain a tué la Troisième République lors de son accès au pouvoir. Or, pour Zemmour, ce n'est pas Pétain qui est responsable de ça, mais les parlementaires d'une majorité Front Populaire. Et là, c'est André Loez qui répond à ça. Je m'appelle André Loez, je suis professeur d'histoire en classe préparatoire. J'ai fait une thèse sur la Grande Guerre, j'ai travaillé beaucoup sur les guerres mondiales, et j'anime le podcast Parole d'Histoire. Si les historiens disent que Pétain a tué la République, c'est parce que c'est attesté. Le régime de Vichy n'a pas d'élection, pas de parlementaire, le chef concentre tous les pouvoirs et désigne son successeur, la devise républicaine est remplacée par travail, famille, patrie, la législation républicaine est reniée, ce qui entraîne des discriminations, notamment avec la loi sur le statut des Juifs dès 1940. Donc en gros, il n'y a plus de souveraineté populaire, plus de représentation, plus d'égalité devant la loi, donc c'est un siècle et demi de principes républicains qui sont balayés, nous dit André Loez. Ensuite, ça n'a rien à voir avec les parlementaires du Front Populaire, ça c'est une rhétorique de l'extrême droite très courante. Le Parlement qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'est aussi celui qui a renversé le Front Populaire auparavant en 1938. Donc le Front Populaire est plus au pouvoir quand la République est détruite. Ensuite, le gouvernement de Pétain, il était chargé d'écrire et de ratifier une constitution, et comme ça n'a pas été fait, le pouvoir que s'arroge Pétain est tout simplement un abus, explique André Loez. Toujours dans le but de créer un lien entre Pétain et De Gaulle, Zemmour avance qu'en 1958, la constitution que soumet De Gaulle au référendum ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que Pétain voulait donner à la France en 1944 mais qui n'a pas abouti. La vérité, c'est que Pétain n'était pas super pressé de donner une constitution aux Français. Le projet de constitution, il est ébauché 3 ou 4 ans après l'institution du maréchal, jamais officialisé, et il avait juste pour but de lui faire une sortie honorable alors que la victoire des Américains approchait, explique André Loez. C'était pour faire croire que Pétain avait été un peu démocratique. Pour conclure, dit l'historien, c'est bien De Gaulle qui a rétabli la légalité républicaine en 1944. Bref, encore des manipulations de l'histoire pour tenter de réhabiliter un régime dont certains fonctionnements plaisent à Zemmour. Non, Vichy n'a pas protégé les Juifs français. Éric Zemmour a dit sur Europe 1 le 26 septembre 2021 que Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers. Alors ça aussi, c'est un argument classique des pro-pétainistes, dire que Vichy aurait mené une politique du moindre mal face à la pression du Reich et que pour protéger les Juifs français, le régime a donné les Juifs étrangers qui étaient sur le territoire. Et c'est totalement faux aussi. C'est Laurent Joly qui répond à ça. Je m'appelle Laurent Joly, je suis historien, directeur de recherche au CNRS et je travaille sur l'extrême droite française de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, ainsi que sur le régime de Vichy, sa politique antisémite et la manière dont on a écrit l'histoire de Vichy de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Donc Laurent Joly nous rappelle les chiffres et la chronologie. D'abord en 1942, de juillet à novembre, Vichy déploie toutes ses forces pour arrêter et livrer les Juifs étrangers et leurs enfants, dont la plupart sont français, car nés en France. En 4 mois, c'est donc 36 000 Juifs déportés. Ensuite, après novembre 42, quand la France est entièrement occupé et que le gouvernement n'a plus de souveraineté, qu'il est totalement sous le pouvoir de l'occupant, là il faut 20 mois aux nazis pour réussir à déporter 32 000 juifs. Ensuite, Laurent Joly rappelle que depuis plus de 50 ans, les chercheurs, grâce à de nombreuses et minutieuses enquêtes, ont démontré que si les trois quarts des juifs ont survécu en France, c'est avant tout grâce à l'aide de la population et au manque de zèle des fonctionnaires qui devaient les arrêter. Par ailleurs, certes, le régime de Vichy avait pour projet de se débarrasser des juifs et pas des juifs français les plus enracinés, cependant, il les a tous persécutés en instaurant des lois d'exclusion, une spoliation qui visait d'abord les Français. Il n'a donc pas du tout protégé les nationaux. Laurent Joly explique que tous les Juifs, français ou étrangers, se sentent en danger dès l'été 1949 et que beaucoup tentent de s'enfuir ou d'entrer dans la clandestinité, ce qui les conduit à se faire arrêter. Bref, le bilan parle de soi. Sur 74 150 Juifs déportés, 24 000 sont français, dont plus de 7 000 enfants. C'est donc mentir sur des faits extrêmement graves que de prétendre que Vichy a protégé les Juifs français. On repose la question qui est français. Et c'est ça que les auditeurs vont retenir. C'est qu'il y a des Français plus français que les Français. C'est vrai qu'on se demande pourquoi lui qui est juif berbère reprend cette espèce de période terrible où on a persécuté tout le monde. C'est parce que dans juif, il faut entendre étranger. Ils sont étrangers chez eux, ils sont considérés comme étrangers. Le régime de Vichy les a désignés comme inassimilables. Donc toute personne aujourd'hui jugée inassimilable peut entrer dans une catégorie d'exclusion. Non, Simone de Beauvoir n'est pas Madame Jean-Paul Sartre. En 2006, Zemmour a écrit un livre qui s'appelle « Le premier sexe ». C'est une réponse à l'ouvrage « Le deuxième sexe » de 1949 de la philosophe féministe Simone de Beauvoir. D'une manière générale, Zemmour est très misogyne, donc il s'est appliqué à la discréditer. C'est Mathilde Larrère qui répond à ça. Donc je suis Mathilde Larrère, je suis maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel. Je suis spécialiste d'histoire politique et sociale du 19e siècle et j'ai aussi travaillé sur l'histoire des femmes. Je suis l'autrice de Rage Against the Machisme, qui retrace l'histoire des luttes féministes en France. Donc Mathilde Larrère souligne la façon dont Zemmour déforme les faits historiques pour rabaisser Simone de Beauvoir, qui déconstruisait il y a 70 ans ce que Zemmour défend aujourd'hui. Le fait que la femme est biologiquement déterminée à être dominée par l'homme et qu'elle n'a pas sa place dans les sphères du pouvoir. Dans Destin français, pour diminuer Beauvoir, Zemmour la présente comme n'existant qu'à travers les hommes de sa vie, notamment son compagnon, le philosophe Jean-Paul Sartre, qui l'aurait éduquée. Sauf que Beauvoir, elle était déjà certifiée en maths, en latin, en littérature, en éthique et en psychologie avant de rencontrer Sartre. Donc en tout cas, on peut pas parler d'absence d'éducation. Mais Zemmour pense que le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, ce n'est en gros que les idées de Sartre. À ceci, Mathilde Larrère répond que ça se voit que Zemmour connaît très mal ou ignore volontairement les échanges qu'on a gardés entre les deux philosophes qui sont intellectuellement très riches. Cela lui permet de dénigrer l'originalité de la pensée de Beauvoir, de dire donc qu'elle est incapable de penser par elle-même. Et il est allé beaucoup plus loin pour la rabaisser. Il a écrit dans un de ses livres « En cet été 1940, Simone de Beauvoir admire sans se lasser pendant des heures un détachement de la Wehrmacht. » Donc il en fait une midinette qui fantasme les Allemands. Sauf que Mathilde Larrère donne, elle, une citation du journal de guerre de Beauvoir où elle écrit « Les officiers sanglés, gantés, conscients de leurs gants, étaient d'une morgue épaisse et odieuse. Puis plus loin, ceux que je vois passer ont de telles têtes d'imbéciles. » Ou encore « Ces gueules d'Allemands sont infâmes. » Donc, bah, c'est complètement mentir que dire que Beauvoir fantasme les soldats allemands. Il fait comme tout bon misogyne, il la sexualise à mort, quoi. Puis il en fait une traîtresse. Zemmour a même dit que toutes les femmes de la haute société, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne, craquaient juste pour les beaux officiers ennemis, comme si elles n'avaient pas de cerveau, pas de conviction, ni de patriotisme, et qu'elles étaient juste guidées par leurs pulsions. Bon, c'est purement misogyne, évidemment, et potentiellement faux, comme on vient de le voir. Zemmour a le droit de pas penser comme Beauvoir et de s'opposer à ses valeurs, mais il n'a pas le droit de déformer l'histoire pour servir les siennes. Non, Maurice Audin n'a jamais tué personne. Autre démonstration du goût de Zemmour pour la violence, dans l'émission de l'Opinion sur Europe 1, le 18 septembre 2018, il revient sur Maurice Audin. Donc Maurice Audin, c'était un membre du Parti communiste algérien qui a été arrêté et a disparu en 1957. Zemmour a dit qu'il a été torturé, mais qu'il aurait mérité d'être tué en tant que traître qui a pris les armes contre la France et a aidé le FLN à tuer des Français. Zemmour a même conclu par « C'était donc tout à fait normal qu'il fût exécuté. La torture, ça a quand même permis d'arrêter les attentats. » Donc là, c'est à nouveau Sylvie Thénault qui répond à ces propos plutôt violents. Donc il faut d'abord expliquer le contexte. Maurice Audin, il n'a jamais commis aucune violence. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a aidé clandestinement les anciens dirigeants recherchés du Parti communiste algérien à leur dissous. Zemmour, en fait, il le rattache au petit groupe de communistes qui ont commis des attentats à Alger en 1956. Et Sylvie Thénault nous rappelle les faits. Maurice Audin, donc à 25 ans, il a été dénoncé le 11 juin 1957. Il a été arrêté et a disparu dans un centre de torture et d'exécution. Sa femme a gagné le soutien d'intellectuels en métropole qui ont animé un comité en son nom pour dénoncer la torture. Elle a aussi porté plainte, mais celle-ci a débouché sur un non-lieu à cause de l'amnistie des forces de l'ordre prononcée en 1962. Donc officiellement, son mari s'est évadé, mais la vérité n'a jamais été découverte. En 2018, Macron a reconnu la responsabilité de l'État dans la pratique de la torture qui a eu lieu en Algérie. Parce que l'armée en Algérie avait légalement le droit d'arrêter des suspects, de les détenir et de les interroger en vertu de pouvoirs spéciaux qui lui étaient accordés. Ce qui n'est pas toujours le cas donc. L'exemple de Maurice Audin, souligne Sylvie Thénault, démontre que les arrestations visaient plus large que les responsables des attentats. Il s'agit d'une logique de répression policière et de terreur. Or, la torture est contre-productive sur le plan politique car génératrice de haine. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentats n'ont pas du tout cessé avec elle. C'est pas avec Guantanamo qu'on a plus d'attentats, clairement. C'est donc un mensonge de Zemmour qui lui permet une dangereuse légitimation de la torture. Et l'historienne rappelle aussi que la France a ratifié le protocole du Comité contre la torture des Nations Unies qui ne tolère aucune dérogation. Non, le massacre du 17 octobre 1961 n'est pas la répression d'une manifestation. Le 18 octobre 2021, lors d'un débat sur BFM, Zemmour a évoqué les actions du préfet de police, Maurice Papon, en 1961. Donc c'est encore Sylvie Thénault qui répond à ça. Donc le 5 octobre 1961, Papon a instauré un couvre-feu pour les français musulman, comme on dit à l'époque. Ceci sans aucun fondement légal, nous explique l'historien. Donc attention, à l'époque, le terme musulman, ça désigne les Algériens pour éviter de reconnaître une nation, en fait. Il a donc un sens élargi au-delà du fidèle de l'islam, et par exemple, l'administration appelait les convertis des musulmans catholiques. Dans tous les cas, il s'agit d'une mesure discriminatoire, et le Front de Libération Nationale, qui lutte donc pour l'indépendance de l'Algérie, organise en réaction un boycott du couvre-feu le soir du 17 octobre, où les gens sortent massivement dans les rues de Paris. Il ne s'agit donc pas d'une manifestation avec un tracé, même si des cortèges se créent. Et attention, les armes sont interdites, ainsi que les provocations. Et les consignes sont appliquées par les gens. Le but du FLN, c'est de montrer qu'il est très suivi par la population, alors qu'il est en train de négocier avec la France, mais pas d'aller au conflit. Sauf que la répression en face est d'une violence inouïe. L'un des symboles qu'on retient aujourd'hui, c'est le fait que des Algériens ont été jetés dans la Seine. Le nombre de morts est encore impossible à évaluer avec certitude, mais Zemmour, évidemment, utilise la version où il n'y a que quelques dizaines, ce qui est déjà super élevé pour un événement à Paris au XXe siècle, nous fait remarquer Sylvie Thénault. Elle rappelle que les contemporains parlent de rafles et de chasse à l'homme, car comme on peut le lire dans les mémoires de Papon, il a ordonné d'intercepter les convois, de cueillir les manifestants et de les faire monter dans des cars. Suite à cela, c'est plus de 11 000 Algériens qui ont été détenus dans des conditions horribles, entassés sans soins et harcelés par les policiers. Le Figaro a dénoncé ces violences comme étant intolérables. Donc en défendant Papon, on voit où se situe Zemmour. Et il manipule encore une fois les faits pour renverser la responsabilité et la faire porter aux victimes, comme on l'a vu précédemment avec la Saint-Barthélemy. Non, De Gaulle n'a pas donné l'indépendance à l'Algérie. Dans Destin français, Zemmour affirme que c'est De Gaulle qui a donné à l'Algérie son indépendance. Et donc c'est le dernier point analysé par Sylvie Thénault. Donc elle explique que prétendre que De Gaulle a offert à l'Algérie son indépendance, c'est complètement omettre que les Algériens se sont battus pour arracher à la France cette indépendance. Et qu'il y a eu une guerre pendant 8 ans entre 54 et 62 avec une violence extrême, ce qui n'est pas ce qu'on appellerait donner. Ensuite, l'historienne rappelle ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. En effet, les maquis du Front de Libération Nationale qui luttaient pour l'indépendance ont été pratiquement anéantis en 59-60. Par contre, la résistance des Algériens n'a pas faibli. Les attentats n'ont pas cessé. L'armée française, en dépit de ses arrestations constantes, échoue à démanteler les réseaux. Les prisons ont très vite été saturées et les camps d'internement où sont envoyés les suspects paraissent en fait ne jamais arrêter de se remplir. Si bien qu'en 1959, explique l'historienne, un général inspectant les camps d'internement en conclut que même si on continuait à les développer, ces camps, ça n'arrêterait pas le conflit. Ça changerait juste le pays en un immense camp de concentration parce que les Algériens ne céderaient pas. Du coup, ça n'a rien à voir avec le bon De Gaulle qui, dans toute sa clémence, donne l'indépendance à l'Algérie. C'est juste que c'est l'échec pour la France. Ensuite, il a fallu 2 ans de négociations pour aboutir aux accords d'Évian qui mettent fin au conflit en 62. Il y a eu un référendum en Algérie et l'indépendance l'a incontestablement emporté. Zemmour prétend aussi que De Gaulle aurait dit qu'il avait donné l'Algérie pour que son village ne s'appelle pas Colombey-les-Deux-Mosquées. Alors déjà, dit Sylvie Thénault, cette citation, on sait pas d'où elle sort, elle est totalement douteuse. Et elle dit aussi qu'elle lui sert à légitimer son idée de grand remplacement, comme si même De Gaulle luttait déjà contre l'islamisation. Donc le général aurait donné l'Algérie pour éviter l'islamisation de la société française, sauf qu'on vient de voir que ça n'a rien à voir avec la réalité. De Gaulle cède lorsqu'il s'avoue vaincu par la résistance des Algériens. Par ailleurs, le rapport de Zemmour à De Gaulle est très versatile, souligne l'historienne. Des fois, il le fustige pour l'indépendance de l'Algérie, des fois il l'utilise comme caution, bref c'est juste totalement flou et très peu maîtrisé, mais utilisé à sa convenance en fonction des besoins de son argumentation. Non, Maurice Papon n'a pas été victime d'un procès politique. On a parlé de Papon tout à l'heure avec les violences de 1961. Et Papon, avant d'avoir été le préfet de police qui a jeté les Algériens dans la Seine, il a été secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant l'occupation de la France par les Allemands. Il a donc contribué à déporter des dizaines de Juifs entre 1942 et 1944 et il a été condamné pour ça à la fin des années 90. Or, Zemmour, dans La France n'a pas dit son dernier mot, avance que Maurice Papon a été victime d'une coalition politique et communautaire des associations juives de l'extrême gauche, des partisans de la construction européenne qui veulent, je cite, « diluer la culpabilité allemande » et aussi victime de la France d'aujourd'hui qui règle ses comptes avec la France d'hier. C'est Virginie Sansicot qui répond à cela. Bonjour, je suis Virginie Sansicot, historienne. Je suis spécialiste de l'histoire de la justice et du droit et de l'histoire des violences face à la justice et de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'historien nous explique que ce que Zemmour veut attaquer ici, c'est la « repentance de la France, donc le fait qu'on reconnaisse ce qui s'est passé en France pendant la guerre, parce qu'en gros, ça ternit la grandeur de la France. Il veut aussi, comme on l'a vu plusieurs fois, réhabiliter Vichy parce que certaines des idées du régime lui plaisent, sauf que les faits sont les faits. Le procès de Papon, c'est l'aboutissement d'une longue procédure qui commence avec la découverte de pièces qui incriminent Papon, ainsi que les plaintes des parents des victimes en 81, nous rappelle l'historienne. Tout ça se matérialise dans 50 tomes, 50 000 pages avec des milliers de documents d'archives saisis, donc ça n'a rien à voir avec un procès bâclé ou une conspiration. Pour Zemmour, c'est un moyen de faire un raccourci. Il présente le procès comme un prétexte pour réécrire l'histoire de Vichy et de la France. Mais c'est pas le cas, nous dit l'historienne. Le but de la procédure, c'était d'évaluer la responsabilité personnelle de Papon, même si, évidemment, ça a entraîné des débats en dehors du tribunal sur la symbolique de ce procès. Mais ça, ça se passe dans les médias, entre les politiques et les historiens, pas au procès. Mais Zemmour mélange tout. Enfin, il pense que Papon aurait dû être acquitté et qu'il sert de symbole. Mais pourtant, nous explique l'historienne, la cour a condamné Papon pour son concours actif à l'arrestation puis à la déportation de 72 000 juifs, mais elle l'a acquitté du chef de complicité d'assassinat à Auschwitz, alors que l'accusation a essayé de montrer que pourtant, Papon ne pouvait pas ignorer le sort qui attendait les juifs déportés. Donc le droit a primé sur le symbole, rappelle Virginie Sansico. Enfin, j'ai pu discuter avec Gérard Noiriel qui a sorti en 2019 un ouvrage sur l'utilisation de l'histoire par Zemmour qui s'appelle Le venin de la plume. Je suis Gérard Noiriel, donc directeur d'études à l'école des hautes études et je suis spécialiste de l'histoire de l'immigration. Au départ, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à Éric Zemmour puisque, comme on le sait, c'est son thème de prédilection. Mais aussi, disons, j'ai une casquette un petit peu d'historiographe. C'est-à-dire, je m'intéresse aussi à ce que c'est que l'histoire, la science de l'histoire, les combats pour défendre la science de l'histoire. Et donc, c'est aussi une des dimensions. Je dirais presque, c'est même celle-là qui a été principale dans ma décision d'écrire ce livre en 2018-19. Il faut quand même inscrire Zemmour dans une certaine tradition qui, à mon sens, est née avec Drumont. Ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre par des moyens, des modes d'expression qui ne sont pas ceux du langage, à dire académique, rationnel. Donc, c'est pas une analyse, c'est puiser des éléments qui vont nourrir une construction préalable, où l'histoire a donc une place centrale. Laurent Joly explique très bien dans son bouquin, c'est qu'en fait, depuis Vichy, les droites françaises sont séparées en deux. Il y a d'un côté la droite, de l'autre côté l'extrême droite, et du coup, c'est un possible électoralement de faire une coalition. Et De Gaulle a maintenu la coupure et Chirac, le 2002, Le Pen, etc. a maintenu la coupure. Le but de Zemmour, c'est de faire sauter le verrou en disant on assume tout l'héritage de toutes les droites parce que en fait Vichy, c'était pas ce qu'on vous a dit. Donc c'est aussi politiquement très très calculé pour faire l'union des droites et de l'extrême droite. On n'en a pas assez pris la mesure. De quelle société il veut, quoi. C'est une société violente et de la persécution. C'est normal que des gens comme ça se prônent évidemment la violence, la répression violente dans la mesure où les juifs justifiera de toute façon toutes ces mesures-là par l'urgence et par la nécessité. Et d'où, du coup, d'ailleurs, le délire sur le déclin, l'apocalypse, quoi, qui nous menace et donc qui demande des mesures extrêmement fortes. Ce qui est fondamental, et c'est pour ça qu'on est tous là, c'est qu'en fait, l'histoire est finalement le cœur de son programme. Et il a dit justement que le principal argument qu'il opposait à Macron et à Marine Le Pen, c'est qu'il ne connaissait pas l'histoire. Et donc, c'est lui qui se considère comme un grand historien qui connaît la vérité de l'histoire. Et c'est au nom de cette vérité de l'histoire qu'il a fait son programme politique. Vous savez, le pire pour moi, hein, c'est quand même l'affaire Dreyfus. Parce que là, quand même, si vraiment il y a une nouvelle affaire Dreyfus, c'est tellement aberrant, ce révisionnisme. C'est grave de dire ça. Hein. C'est la raison pour laquelle moi je suis sortie de mon silence. Hein. Moi, je ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible. En tant que historienne et citoyenne, il faut absolument le dire. Et là, il est en train de bousiller, quoi, de détruire le savoir construit depuis longtemps. Déjà, quelle que soit l'opinion politique, hein, parce que franchement, là, c'est au niveau de la science que ça se situe. Il a un maniement du faux qui est assez compliqué. On ne peut pas simplement dire ce qu'il raconte est totalement faux. Il sort des éléments de leur contexte, il prend des éléments qui, séparément, sont des faits avérés, et il en tire une conclusion complètement fausse. C'est très difficile de trouver une phrase à mettre en avant, parce que souvent, en fait, c'est tout le raisonnement qui est faux. Parce que le savoir, c'est quelque chose qui se construit, qui se précise et qui se peaufine. Quand même, l'archéologie, c'est quand même des preuves. Donc on est sans arrêt avec les preuves en train de refaire de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Mais et lui, bon, au contraire, l'histoire pour lui, elle est plate. Le fait historique, il est plat, il s'inscrit dans le roman national, point, terminé. Il a intégré l'idée que nous autres, historiens, historiennes, nous allions critiquer. Du coup, il part par avance les reproches des historiens. Il répond en disant « Ah, vous voyez, les historiens essayent de me faire taire, je vous avais dit qu'ils allaient le faire. » Et du coup, c'est un argument qui est très très efficace. Quoi. Il peut faire un petit sourire et dire « Ouais, en même temps, j'avais écrit que vous alliez dire ça, puisque vous voulez pas en parler, puisque vous cachez la vérité. » C'est la réfutation de la Vulgate. En fait, notre façon de faire l'histoire est juste au service d'un pouvoir. Et ça, c'est complètement hallucinant et on est dans le complotisme. Ouais, terrible, et qui est vraiment la thèse de l'extrême droite. Il assimile tout à des bons sentiments stupides, sauf que c'est pas des bons sentiments, là, c'est des réalités. Donc du coup, il faut qu'il prenne le contre-pied de tous ces fameux bons sentiments humanistes et tout ça. Ça l'amène à dire n'importe quoi, en fait. Tout contester, y compris des choses qui sont évidentes du moment qu'il a l'air de remettre en cause une espèce de doxa. Et ça a un impact sur un certain type de public. Ce public, il existe. Ils ne sont pas tous d'horribles nazis, etc. La victimisation, ça a un écho chez des gens qui parfois eux-mêmes sont des victimes, des vraies victimes de la société. Et donc du coup, ils disent, ah, ils parlent comme nous. Ben oui, mais c'est une manipulation totale. Ils fréquentent les milliardaires à longueur de journée, etc. C'est ça qui est terrible aussi quelque part. C'est qu'il y a des gens de bonne foi qui par ailleurs sont sans doute respectables et qui vont adhérer à ce genre de propos parce que voilà, ils vont s'identifier à quelqu'un qui leur dit on ne peut plus rien dire, on est victime. Bon. Et dans les périodes de crise, ça c'est aussi important de le souligner, ces discours-là ont un impact particulièrement fort. Et on est dans une période de crise aussi au sens de bouleversement, les changements aussi dans les mœurs, dans les comportements, enfin voilà. Donc ces périodes-là déstabilisent des gens et peuvent favoriser les discours conservateurs, réactionnaires chez certains qui se sentent menacés par aussi la lutte contre les inégalités de genre, etc., et qui peuvent se replier, et Zemmour exploite ça aussi. Derrière l'histoire, il y a cette idée de rassurer les gens qui sont perdus par les évolutions récentes, et au lieu de les accompagner de manière citoyenne et critique, c'est-à-dire de dire, bon ok, vous êtes plus comme avant, mais bon, c'est le principe de l'existence, c'est que les choses heureusement progressent. Il les ramène à leur peur et les instrumentalise. Et du coup, l'histoire de France, là, c'est central parce que quand t'as peur, c'est rassurant de parler de Louis XIV, de Napoléon, de la victoire de la Marne. Il ramène les gens aussi à leur plus petit dénominateur commun, soi-disant, qui serait une forme de, effectivement, d'identité figée. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter aussi là-dessus. Voilà donc les points sur lesquels ce collectif de spécialistes a souhaité réagir. Alors ce n'est pas exhaustif de tout ce qu'on pourrait critiquer dans l'utilisation de l'histoire par Zemmour, mais ce sont des aspects qui ont particulièrement alerté les historiennes et les historiens qui se sont mobilisés. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair, d'avoir des arguments aussi. N'hésitez pas non plus à consulter la description où vous trouverez un lien avec un PDF super condensé pour retrouver les principaux éléments. N'hésitez pas non plus à montrer cette vidéo si ça peut aider et pour lui donner de la visibilité bien sûr. Si vous voulez vous procurer le tract, il sort chez Gallimard à petit prix, il s'appelle donc Zemmour contre l'histoire. Et sachez que tous les bénéfices sont reversés à une association pour les enfants en situation de handicap, rapport aux propos que Zemmour a tenus sur ça. C'est donc un travail totalement bénévole de la part du collectif, tout comme je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ça. Enfin, je vous invite à débattre avec respect dans les commentaires. Les propos injurieux seront supprimés. Merci à vous et à la prochaine pour une autre histoire. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication. Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour le fiefé salope. Combien de bons amis me regarderont de travers, combien je recevrai de coups de revolver. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais voir mes ors, gagne procréateur, à personne excepté mes femmes et mes docteurs.

peut-être à certains Russes et pour pas longtemps, mais en tout cas à nous, en France, oui, beaucoup, parce que le prix du pétrole va augmenter, le prix du gaz va augmenter, le prix du blé va augmenter, tous les prix vont augmenter et nous serons les principales victimes. On va y revenir, mais vous dites c'est tout ce qui reste. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus à faire aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, la coalition de l'OTAN s'est mise elle-même dans une situation que je découvre comme vous, avec stupeur, parce que pendant 3 ans, on nous a dit les Russes sont très dangereux. Le président ukrainien disait c'est pas si dangereux que ça. Pour finir, les Russes qui refusaient la présence de l'OTAN prennent les devants entre ce qui est une violation inouïe du droit international en Europe. C'est-à-dire qu'on est revenu maintenant à la force. Et qu'est-ce qu'il y a en face ? Rien. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait faire une guerre totale. Donc tout le monde s'aperçoit que le concept même de guerre totale n'a pas de sens. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que tous ces gens n'ont absolument rien prévu, alors même qu'ils passaient leur temps à dire que la menace était terrible. Il va falloir réagir. Est-ce qu'il faut, par exemple, envoyer des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre ? C'est la position, vous en parlez tout à l'heure, des socialistes et des écologistes en France. Ça ne m'étonne pas, parce qu'ils sont jamais en retard d'une bêtise. On a vu ce que ça a donné d'amener des armes dans certains pays. Le pays en question, croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de résister à la Russie ? Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. Donc où iraient toutes ces armes ? C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Les positions qu'on doit avoir, c'est, pardon, mais au point où on en est, c'est très classique. 1, exiger un cessez-le-feu. 2, exiger la sortie des Russes de ce pays. 3, aller au fond du problème, c'est-à-dire, attendez, laissez-moi finir là-dessus, c'est le cœur de l'affaire. Il faut réunir une conférence sur la sécurité européenne et les frontières pour discuter des problèmes de sécurité. C'est le motif d'intervention des Russes, et c'est ce que nous, Français, nous avons intérêt à dire. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour que les Russes déploient des missiles qui sont entre 500 et 5000 kilomètres là-bas à la frontière. Donc nous avons un problème, nous aussi, à discuter. Voilà, bon, après ça... Le reste, ce sont des phrases. Mais donc, ça veut dire qu'à ce stade, on laisse la situation telle quelle, parce qu'on n'a pas le choix. Non, vous ne me ferez pas dire ça. Je suis quand même assez conscient. Non, il faut agir avec vigueur et détermination, bien sûr. Non, mais on essaie de comprendre, parce que on voit bien, Emmanuel Macron a encore appelé cette nuit Vladimir Poutine pour lui demander d'arrêter les combats, pour lui exiger d'arrêter les combats. Ça fait plusieurs jours qu'Emmanuel Macron s'entretient avec toutes les parties, les Ukrainiens, les Américains, les Russes. Est-ce que vous dites aujourd'hui, la France joue son rôle ? Je n'ai pas de moyen de le savoir. Je dispose de beaucoup d'informations, parce que beaucoup de monde m'aide à comprendre et me renseigne, mais je n'ai pas les moyens de savoir si c'est... Alors, s'il le fait, il dit qu'il le fait, ouais. Nous sommes en guerre, je fais attention à ce que je dis, je vais pas commencer à dire, mais non, ce qu'il fait est nul, parce que j'ai une responsabilité devant mon pays et à l'égard d'un président en exercice. Mais moi, je ne peux faire qu'une chose, c'est dire voilà comment moi je m'y prendrais. Après, le reste, lui, il fait son boulot, je suppose. Alors, il y a une forme de soutien, non pas à Emmanuel Macron, mais au président de la République, on le comprend. Non, parce que si je dis ça, tout à l'heure, le sujet, ce sera Mélenchon soutient Macron. Or, ce n'est pas ce que je veux dire. Nous sommes une démocratie, au contraire de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Donc, nous sommes une démocratie. Dans une démocratie, les points de vue sont différents. Et nous n'avons pas besoin de nous mettre au garde à vous pour être solidaire. Pour ma part, je suis, quoi qu'il arrive, un pro-français, ça c'est clair. Jean-Luc Mélenchon, on vous a reproché d'avoir changé d'avis sur Vladimir Poutine. Vous étiez complaisant, disent par exemple Yannick Jadot, vous étiez complaisant à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous dites, c'est l'agresseur, Vladimir Poutine. En fin de compte, quoi ? Est-ce que vous vous êtes trompé ? Est-ce que vous l'admettez ? Je pense que, à l'inverse, je suis le seul à voir d'un bout à l'autre depuis 2014. En ce moment, nous mettons en circulation une vidéo qui rappelle mes prises de position. Depuis le début, je dis, si vous essayez d'établir l'OTAN à la frontière de la Russie, en Ukraine, vous aurez un incident majeur. Mieux vaut discuter avant de sécurité, et il y a même une vidéo 2014, je dis, les frontières, on en parle ou on fait la guerre. Bon, très bien, on n'a pas voulu parler de la sécurité, donc on est en guerre. Donc je pense ne pas m'être trompé. Tout le long, on m'a même reproché une phrase, à un moment donné, je dis, la menace russe n'existe pas, mais c'est pas moi qui dis ça, je disais, Monsieur le président de l'Ukraine, Zelensky, dit ça. Bon, donc vous comprenez, quand on est un opposant, on est à l'extérieur, on a peu d'informations, on se repère. Moi, qu'est-ce que je faisais ? Sauf que vous, aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous dites... Pardon, je me repérais sur le président ukrainien. Aujourd'hui, vous dites Vladimir Poutine, c'est un dictateur ou pas ? Ce sont les mots de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais moi, je commande pas Le Drian, il se trompe tout le temps. Est-ce que vous le reprenez ? Pardon, non, mais attendez. Je ne vois pas pourquoi je serais obligé de commenter les déclarations de gens qui se trompent tout le temps. Et nous ont mis dans la panade dans laquelle nous sommes. Parce que peut-être qu'on ne devrait pas oublier à cette heure que nous sommes dans la panade au Mali grâce à ces gens, que deuxièmement, ces gens n'ont rien prévu par rapport aux Russes. Maintenant, ce que je dis, je demande qu'on me comprenne. J'ai toujours dit pareil, on ne franchit pas les frontières. Si vous menacez la Russie, elle passera la frontière. Ils passent la frontière, ils n'ont rien prévu. Que voulez-vous que je vous dise ? Et c'est à moi qu'on demande des comptes, je trouve ça extraordinaire. Mais comment vous qualifiez Vladimir Poutine à l'heure actuelle ? Ben, je pense que ce que tout le monde peut dire facilement, que c'est plutôt un autocrate, que sa manière de gouverner est extrêmement rugueuse, j'en sais quelque chose. Les quelques amis que j'ai de fort loin, hein, en Russie, ont quand même fait assez de prison pour que je le sache. Hier, il y avait des Russes qui manifestaient contre la guerre en Russie. Je trouve ça assez remarquable pour être mentionné. Donc, en tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Bien sûr, mais à quoi ça sert? Si vous voulez, il faut que vous fassiez tous attention. Moi, j'ai une responsabilité comme homme politique, pardon de vous le dire, mais vous en avez aussi une en tant que journaliste. Si toute personne qui émet une pensée mise à distance est considérée comme un agent de l'ennemi, alors là, c'est fini, il n'y a plus de démocratie possible. Moi, je dis ce que j'ai à dire sur la politique de M. Poutine, et je me fous de savoir le reste. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Quelle est ma position par rapport à la France? Nous ne pouvons pas accepter que qui que ce soit transforme le territoire européen en champ de guerre. Ça, c'est la position des Français depuis que la dissuasion nucléaire existe. Et aujourd'hui, on va se poser des questions sur la manière que nous avons de riposter à des conflits de l'intensité de celui de l'Ukraine. Parce que c'est clair que si on appliquait la politique qui est écrite sur le papier, les intérêts vitaux de la France sont-ils menacés? Bah oui, c'est on transforme leur... Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire une guerre nucléaire? Donc il faut tous qu'on réfléchisse. On n'envoie pas de troupes? Bah je trouve que envoyer des troupes, ça serait la folie. Si on fait ça, c'est on déclenche la guerre sur le continent. Donc si vous voulez, mais tout le monde réagit comme vous en se posant ces questions, en se disant, ah bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben rien. Voilà. C'est-à-dire que rien n'a été prévu, rien n'est organisé. Moi, je le déplore parce que ça veut dire que dorénavant, n'importe quel coup de force est possible en Europe. On fera des sanctions économiques, des protestations, et 8 jours après, plus personne n'en parle. Vous connaissez la vie comme moi. Je trouve ça catastrophique. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du 8:30 France Info. Une petite pause, on se retrouve dans 2 minutes. Toujours en direct de Saint-Denis de la Réunion avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Et vous avez vu ces dernières heures, sans doute, ces images d'Ukrainiens qui quittent par centaines, peut-être par milliers, Kiev en voiture, en train, direction la Pologne pour beaucoup. 1 million peut-être de réfugiés attendus, disent les autorités polonaises. Est-ce que la France doit elle aussi accueillir ces réfugiés? Je pense que si nous sommes solidaires de l'Ukraine, c'est le moment de le manifester, on doit en prendre notre part de réfugiés. Ces pauvres gens subissent un sort auquel ils ne s'attendaient pas. D'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes découvrent que la guerre, c'est la guerre, et c'est pas un produit exotique qui a lieu loin. Donc, ça vaut la peine que tous les Français qui vont aller à une grande élection réfléchissent à ces questions, parce que leur bulletin de vote, c'est aussi une manière de s'exprimer sur les questions militaires et de sécurité. Jean-Luc Mélenchon, un message du président de la République va être lu cet après-midi au Parlement. Emmanuel Macron va recevoir aussi ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande ce matin. Un débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez que la méthode est la bonne? Je pense que, pourquoi pas? En tout cas, le Parlement va être saisi. Moi, j'en suis satisfait. Je pense qu'on ne saisit pas assez souvent le Parlement. Rendez-vous compte que pour le Mali, on a voté en tout et pour tout une fois, pour 9 ans de guerre. Là, nous avons une situation de crise majeure en Europe, ça vaut la peine que le Parlement soit consulté. Après, le Président, il prend les conseils dont il estime qu'il a besoin. Hein. Vous voulez qu'il vous reçoive? Bah, s'il m'invite, j'irai. Ça, c'est certain. Comme je l'ai fait chaque fois qu'il m'a invité, on a déjà eu l'occasion de parler de la Russie et de ces questions dans le passé. Mais je pense que dans le moment, notre but, c'est pas de rendre le travail de direction du pays plus compliqué, mais d'éclairer, on fait notre boulot. Voilà à quoi sert ce que j'ai à faire. Mais je ne refuserai jamais ma solidarité pour une action en faveur du pays, le nôtre. En tout cas, ça y est, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes officiellement candidat à l'élection présidentielle. 540 parrainages, vous avez franchi la marche hier soir, dernier décompte du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement chez vous? Ah bah bien sûr, parce que toutes les équipes sont sur le terrain depuis des semaines et des semaines. Cet an dernier, tout le monde n'est pas aussi vieux guerrier entraîné que moi. Donc, il y avait beaucoup d'angoisse autour de moi. Et heureusement, des gens qui sont des bons dirigeants, comme le député Manuel Bompard, nous disaient « Allez, vous inquiétez pas, on franchit à la bonne vitesse. » Ça allait. Non, mais je veux remercier d'abord tous les élus qui m'ont parrainé, en soulignant que beaucoup d'entre eux ne me soutiennent pas. Ils font leur devoir. Je remercie le président de la Fédération des maires de France, Monsieur Linard, qui a appelé et qui m'a parrainé personnellement, le président du Sénat, qui s'est exprimé avec force à plusieurs reprises pour qu'on ne confonde pas soutien et parrainage, ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu à ce moment dire Jean-Luc Mélenchon, l'Union Populaire, les Insoumis, mérite d'être présent dans la campagne présidentielle. Mais j'espère qu'à l'avenir, on va trouver une solution, parce que c'est grotesque. Vous les avez, ces parrainages, c'est pas le cas d'Éric Zemmour, ni même de Marine Le Pen, il en manque 86 à Marine Le Pen, 85 à Éric Zemmour. Ça vous choquerait qu'il puisse pas participer à cette élection présidentielle? Tout le monde. Il représente un courant de l'opinion, ça a pu se vérifier, ça a pu se constater. Il est donc normal qu'il puisse participer. Puis moi, je veux que Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, soit battu dans les urnes, pour que le monde entier voit que la France n'est pas une organisation. Vous êtes prêt à lui donner votre parrainage? Xénophobe et raciste. Est-ce que vous êtes prêt, vous, personnellement, à lui donner votre parrainage? Ben, moi, j'ai peut-être mieux à faire. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui restent sur le sable. Je pense aux deux candidats du NPA. Je pense à la candidate animaliste et des gens, si vous voulez, où ça me désole de voir qu'ils puissent pas être là. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, nous ne sommes pas en compétition pour des parts de marché. Nous sommes présents et nous fécondons, si j'ose dire, le débat public. Moi, j'ai besoin de la parole d'extrême-gauche anticapitaliste, j'ai besoin de la parole animaliste, alors même que dans nos rangs, l'Union Populaire, nous avons Émeric Caron, et son organisation animaliste qui est sur des positions qui ne sont pas toujours les miennes. Alors vous allez donner votre parrainage à qui? Eh bien nous allons voir, je vais réfléchir, parce que je me demandais, d'abord je l'ai gardé pour m'éviter, si vous voulez, en quelque sorte le ridicule de me parrainer moi-même, si je pouvais. Hein. Mais j'aurais pas hésité, hein, je me serais parrainé s'il fallait. Mais je me suis dit, j'attends un peu pour voir, pour que, bon, est-ce que ça va donner quelque chose, tous ces appels qu'il y a eu. Voilà, alors je vais réfléchir et puis je vous dirai, ne vous inquiétez pas, il y aura chaque jour un petit peu d'actualité. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes donc aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Ici, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage bat des records. Plus largement, ici, comme en Guadeloupe ou en Martinique, la vie est beaucoup plus chère qu'en métropole. Sur ce sujet précisément, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez à ces Français qui vivent en Outre-mer? Ouais, d'abord, je voudrais que ceux qui vivent pas en Outre-mer, en Hexagone, se rappellent qu'il y a ceux qui vivent dans l'Outre-mer. Et que les Français cessent d'avoir une vision rabougrie de leur pays. Nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les océans. Ici, il y a 800 000 personnes qui sont des Français et Françaises. Et ils vont bientôt être un peu plus d'un million. Donc, on a une transition organisée. Comment peut-on supporter plus longtemps que 40% de la population soit sous le seuil de pauvreté? Enfin, combien de temps ça va durer? Alors vous proposez quoi, justement? Mais, contre la vie chère, par exemple? Oui, contre la vie chère, je propose déjà qu'on commence par maintenir le système de blocage des prix qui existe ici. Mais deuxièmement, qu'on commence à appliquer ici aussi des coefficients multiplicateurs. C'est quoi? C'est pas parce qu'on transporte des marchandises jusqu'à La Réunion qu'il faut multiplier le prix dans des proportions qui sont insupportables. Ensuite, il faut que reprenne la production locale. Et j'adjure qu'on comprenne que ce soit la guerre ou les changements climatiques, le risque pour l'île de la Réunion comme pour d'autres, c'est d'être coupé du commerce. Donc, nous devons retrouver une agriculture vivrière à la Réunion, puisque c'est le salon de l'agriculture qui s'ouvre. Commençons par dire ça. Une agriculture vivrière, ce qui veut dire qu'on doit protéger les produits locaux par rapport aux produits qui arrivent de l'extérieur. Le contraire de ce que veut faire l'Union européenne, qui, elle, pense que la Réunion, c'est une sorte de gros tuyau qui va déverser les marchandises européennes sur l'Afrique. On diminue les importations. Oui. On commence par augmenter la production, parce que sinon, on va se retrouver avec rien à manger. On meurt de faim, oui. Ouais. Mais comment on fait pour augmenter la production? Attendez, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Hein. On dégage les terres arables, on organise une politique de répartition de la terre et on aide les gens à cultiver l'agriculture vivrière. Il y a des sommes considérables qui viennent par la politique agricole commune. Elles sont, pour 80% d'entre elles, réservées à 20% des exploitations. Lesquelles? Celles qui font du commerce avec le commerce mondial. Donc moi, je propose qu'on renverse la vapeur et qu'on donne ses sous plutôt à ceux qui font de la production locale. Les entreprises agricoles, les exploitations qui exportent, vous leur dites, faudra à partir du mois d'avril-mai penser à changer de métier, c'est ça? Mais non, ça sera parce local que... avant tout, quoi. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Ici, il y a la place de faire de l'agriculture vivrière. Vous avez l'agriculture de la canne. Il est clair que c'est pas les Réunionnais qui vont manger tout le sucre qui est produit pour la Réunion, mais peut-être qu'il pourrait être prioritairement pris dans l'Hexagone. On pourrait admettre cette règle d'exclusivité. Je pense au sucre. Mais il y a comme ça 2-3 produits pour lesquels on pourrait avoir une règle d'exclusivité. Je leur dis pas d'arrêter, puisqu'on en, c'est la France ici, je me permets de vous le rappeler. Donc on n'est pas en train d'importer ou d'exporter. On est en train d'organiser la production vivrière française. Donc c'est clair que par exemple pour faire des ananas, il y en a besoin ici et il y en a besoin dans l'Hexagone. Je prends cet exemple sans vouloir en prendre un trop folklorique, parce que pour moi, le plus important c'est que les Réunionnais arrivent à assurer leur souveraineté alimentaire. Je ne dis rien là qui soit si nouveau. La présidente de région, Madame Huguette Bello, c'est elle qui m'a appris cette ligne. Alors donc, je dis quelque chose qui vient du terrain de la Réunion, pas quelque chose que je suis en train d'inventer, qui est jouable, tout à fait jouable. Encore une fois, pardon de le redire aux hexagonais, si j'ose dire, c'est la France ici, c'est votre pays. Donc, tout s'organise en relation les uns avec les autres. Il faut cesser de regarder ça comme des territoires exotiques lointains. La Réunion est pas lointaine, regardez-vous et moi de quoi on parle. D'une guerre qui a lieu en Ukraine en ce moment même. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas prêt. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous dans deux minutes. Jean-Luc Mélenchon, vous nous disiez avant le fil info que vous vouliez une production locale pour importer moins. Et bloquer les prix, on bloque les prix de quoi en fait ? Alors, justement ici à La Réunion, ils ont une formule magique. Vous savez que dans les différents outre-mer, il y a une loi qui s'applique, qui est la loi Lurel, qui provoque le blocage de certains prix. Mais ici, ils ont fait mieux. Non seulement ils bloquent certains prix par la préfecture, mais ils ont convoqué une sorte de conférence citoyenne, et les citoyens sont impliqués. Si bien qu'ils ont établi une liste de 153 produits. À mon avis, c'est la bonne méthode. On demande aux gens, qu'est-ce qui, d'après vous, est absolument prioritaire ? On n'invente pas ça dans un bureau. Et je pense que la même méthode devrait s'appliquer à l'Hexagone, parce que ça marche ici. Même en métropole, ouais. Eh ben oui. Mais comment font les producteurs ? Mais il n'y a aucun problème pour les producteurs. C'est pas eux le problème, c'est les intermédiaires. Prenons un exemple. Si vous donnez 1 euro pour acheter un produit agricole dans l'Hexagone, vous donnez que 8 centimes aux paysans. Donc, pour moi, c'est très facile à faire. Je garantis un prix plancher aux paysans. Autrefois, jusqu'à 1986, tous les prix en France étaient contrôlés. Donc, un prix plancher pour les paysans, qui seront bien contents, enfin, de savoir combien ils vont être payés de manière sûre. Et puis, à la sortie, on bloque le prix. Ça veut dire que c'est au milieu, dans les marges de la grande distribution, que doit se faire l'amortissage des chocs des deux bouts de la chaîne. Mais ça, ils savent le faire, non, les commerçants. Les commerçants, ils se débrouillent, vous leur dites c'est tel prix, bah, ils font avec. Et ça va coûter combien ? Ça va coûter quoi ? Il y a de l'argent qui se perd, notamment chez les industriels et les distributeurs. Ils vont pas dire, c'est super, on va l'appliquer sans rien dire. Faut les indemniser. Oui, écoutez, il faudra qu'ils le supportent. Nous supportons tous les jours toutes sortes de taxes, eux aussi. Et il n'y a pas de raison qu'en pleine crise, vous ayez des gens qui continuent à faire des profits absolument inouïs parce qu'ils profitent de la crise. Donc je ne suis pas d'accord et je me méfie des gens qui ont des trouvailles comme celle que j'ai vue s'appliquer ici de la part de la firme Total qui vient de faire ses plus gros bénéfices de son histoire ou Monsieur Leclerc qui a inventé la baguette à 29 centimes. Alors tout le monde se frotte les mains et personne ne réfléchit au fait que c'est de la bêtise parce que on paiera la différence de prix, mais qu'entre-temps, on aura ruiné tous les boulangers. Je ne suis pas d'accord. Le marché, c'est le chaos. Donc, de temps à autre, il faut y mettre de l'ordre. Mets de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon, un mot sur Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. On sait qu'en ce moment, les relations sont pas simples avec lui. Il est donné aujourd'hui à 3% dans les sondages. Est-ce qu'il pourrait être votre Christiane Taubira de 2002? Vous savez, celle qui a gardé pour elle les 2% qui ont manqué à Lionel Jospin. Moi, je vais pas avoir, écoutez, je suis le plus mal placé pour dire quoi que ce soit à propos des communistes. J'ai été deux fois leur candidat. Bon, ils ont aujourd'hui un candidat, ils l'ont décidé, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ils parlent mal à tout le monde, je trouve pas que ça soit une bonne idée non plus, mais je n'en dirai rien. Il fait son travail, développe ses idées. Honnêtement, j'y trouve mon compte, parce que sur tout un tas de sujets, il dit la même chose que moi, donc ça en fait deux qui disent la même chose, donc ça augmente. Puis sur d'autres, non, on dit vraiment pas la même chose. Mais ça peut vous empêcher d'atteindre le second tour aussi. Par exemple, sur le nucléaire, on dit pas la même chose. Mais donc, on avait déjà réglé le problème dans le passé. Alors, pour le second tour, c'est les Français qui sont responsables, c'est pas Monsieur Roussel. Si les Français décident que je dois être au deuxième tour, ils le décideront et rien ne les empêchera de le décider. Vous verrez, je pense pas que les Français votent pour un parti au présidentiel actuellement. Ils votent pour un programme ou pour une candidature. Alors c'est moi, c'est un autre, c'est eux qui décident et puis nous devons avoir l'humilité de nous incliner. Sinon on n'est plus une démocratie si on passe son temps à dire comment on peut combiner l'élection pour être sûr de l'avoir gagné d'avance. Vous parlez de second tour, certains justement voient en vous le vote utile, alors vous évoquez plutôt le vote efficace. Moi, rien du tout, je ne m'oublie pas d'aller qualifier un truc pareil. Ségolène Royal justement a dit que c'était vous le vote utile à gauche, mais pour certains, peut-être des électeurs mais pas que, votre attitude, votre personnalité, parfois peut-être jugée un peu trop brutale, un peu trop agressive, est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce que vous avez d'ailleurs envie de les rassurer? Non, j'ai pas envie, parce que ça, c'est une caricature, je vais pas me défendre d'une caricature, c'est comme si vous aviez demandé à François Mitterrand s'il était autant une grenouille que ce qu'on voyait dans le Muppet Show. Non, je suis pas responsable de ça. Je suis comme je suis et je crois que mes compatriotes ne juge pas sur les apparences ni sur ma cravate qui est pourtant magnifique, mais il juge sur un programme et sur une expérience, une capacité. Bon, moi je mets tout ça au service du pays. S'ils en veulent, on fera. S'ils en veulent pas, je rentre chez moi. Voilà. Où est le Il y a pas d'offense pour moi. Je joue la démocratie. Je dis seulement aux gens Alors je pèse mes mots, la dernière fois j'ai dit, si jamais vous votez pour un de ces trois-là, vous allez cracher du sang et des larmes, on a dit, ah comment il parle. Ouais. Donc je ne dis plus ça, je dis juste que ça va être rude, parce que M. Macron vous a déjà annoncé qu'il va changer la retraite, qu'il va changer, il va rendre l'université payante et ainsi de suite. Donc c'est chaud si vous laissez mais faire. Mais vous voulez rassurer personne, vous dites, c'est ce que vous dites ce matin, mais est-ce que vous voulez quand même rassurer les riches? Parce que les riches, vous avez envie de beaucoup les taxer, c'est ce qu'il y a dans votre programme. Écoutez, je vais les aider au salut de leur âme, si j'ose dire. Parce que s'être enrichi, comme ce fut le cas en pleine crise, c'est une honte. Et je pense que beaucoup d'entre eux, sans doute, comme personne humaine... On parle des grandes fortunes, là. Hein. Ah ben, on parle des très grandes fortunes, bien sûr. C'est quand même, quand ces gens-là ont multiplié par deux ou par trois ou par cinq leur fortune en pleine crise, ils doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose d'immoral qui choque les Français. Et puis, on va dire d'une certaine manière que si avec des riches, c'est pas le problème. Mais quand on devient riche au détriment d'un pauvre, d'un nombre de pauvres toujours plus grand, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 9 millions de pauvres, bon, il faut rétablir l'équilibre. Ça a été la fête du capital pendant 30 ans, on nous a répété sur tous les tons que ça allait être merveilleux et qui ruissellerait des flots d'argent du dessus vers le bas, et tout le monde s'est aperçu qu'en fait, de ruissellement, c'est une grosse pompe aspirante qui fait remonter tout ce qui est en bas vers le haut. Alors ceux qui ont moins n'ont plus rien. Donc ça, il faut rétablir l'équilibre. C'est à ça que servirait ma présidence. À rétablir l'équilibre et puis ouvrir une nouvelle manière de gouverner le pays. Donc je suis obligé de dire aux très riches que je ne suis pas un cadeau pour eux. Merci Jean-Luc Mélenchon. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine, Potemkine. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se furine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkine. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leurs carabines, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkine. Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Invité aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle. Bonjour. Bonjour. Plus précisément de l'Union populaire, puisque c'est la bannière que vous avez choisie pour 2022. L'Union de la gauche, c'est d'un autre temps, mais une chose ne change pas. L'Union, ça reste un combat permanent, et cette année encore plus que dans le passé, pourrait-on dire, avec plusieurs candidats sur les rangs. Vous avez un avantage sur les autres, c'est que la présidentielle, vous la connaissez, c'est votre troisième candidature. On va parler des risques de guerre aux portes de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon. Et... Non, mais attendez déjà, dites pas des choses qui sont pas. Qu'est-ce que quoi ? Il n'y a pas plus de candidats cette fois-ci à gauche qu'il y en a eu dans les précédentes élections. Globalement, j'ai parlé de globalement des... Non, des mais peut-être bien, mais vous avez commencé par parler de la gauche. Il n'y en a pas plus qu'il y en a eu dans le passé, c'est peut-être vrai, qu'à la fin, il y en aura moins. J'espère qu'à ce moment-là, on vous entendra revenir sur les heures passées à dire que comme nous sommes balkanisés, nous avons perdu d'avance. On ne va pas parler des Balkans, on va parler de l'Ukraine. les risques de guerre aux portes de l'Europe. Ouais. Emmanuel Macron s'entretient en ce moment avec Vladimir Poutine et il dit qu'il veut tout faire pour que la tension retombe. Vous vous dites qu'il faut n'être aligné sur personne. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut faire retomber la pression, pour vous c'est la priorité. Évidemment, mais il faut en réunir les conditions. D'abord, il faut cesser de faire dans un pays libre comme le nôtre cette propagande absurde qu'on fait à chaque guerre des Américains pour leur donner raison avant même que quoi que ce soit ait commencé. La première étape, c'est de bien comprendre les données du problème. Si on n'en parle pas, on ne comprend pas. On attribue au caractère de M. Poutine ou de M. Biden des choses qui ne sont pas. Ma position est la suivante. Les Français doivent être non alignés, ni avec l'un ni avec l'autre. Cela signifie, comme conséquence pratique, les Russes ne doivent pas passer la frontière de l'Ukraine, qui doit être respectée absolument, et les Américains ne doivent pas chercher à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ça que cherche Emmanuel Macron, justement ? Je ne sais pas, il ne m'a pas téléphoné pour m'en parler, ni pour me demander mon avis. Mais s'il travaille à la désescalade, c'est une bonne chose. L'inconvénient qu'il a, cet homme, c'est qu'il n'est pas crédible. Tout simplement pour avoir une fois dit « nous allons défendre l'intégrité physique de l'Ukraine », les Russes savent parfaitement que les Français sont hors d'état de faire ce travail. Et en toute hypothèse, il est parmi les figures avancées de l'OTAN. Et il s'est fait ridiculiser par le président Biden et le chancelier allemand la veille de son séjour à Moscou. Donc, quelles que soient ses intentions, il s'est placé au fur et à mesure dans une position qui a abaissé sa crédibilité. D'ailleurs, Poutine a dit une fois, d'une manière assez déplaisante, je trouve, que les Français n'étaient pas dans l'équation. Je trouve que ce n'est pas une bonne formule pour nous. Est-ce que vous diriez donc que la France est actuellement le point d'équilibre dans la situation d'aujourd'hui ? Non, puisqu'elle est alignée. La France est alignée ostensiblement sur les États-Unis d'Amérique. Le général de Gaulle, qui avait imaginé la sortie du commandement intégré de l'OTAN et la mise à distance de l'OTAN, rappelez-vous, il avait fait partir les troupes américaines de Châteauroux, c'est vous dire, eh bien, avait une attitude qui était en permanence extrêmement équilibrée. Et lorsqu'une crise particulièrement grave est arrivée, une fois, la crise des fusées à Cuba, à ce moment-là, il a, compte tenu des circonstances, évalué que la bonne raison était du côté américain. Mais il est parti de l'idée de la bonne raison, pas de l'alignement par avance, quoi que disent et quoi que fassent les Nord-Américains. Donc nous, notre position française, compte tenu de qui nous sommes, c'est-à-dire nous ne sommes pas alignés. Et c'est comme ça qu'on devient un interlocuteur crédible. Et il faut discuter avec tout le monde. Eh bien, par la force des choses, et surtout avec les gens qui sont les plus énervés, parce que c'est ceux-là qui prennent des décisions. En tout cas, c'est un contexte qui pèse. À un mois et demi du premier tour de la présidentielle, le gouvernement, lui, se réjouit pendant ce temps-là de son bilan économique et espère même que d'ici un mois, les masques contre le Covid ne seront plus qu'un souvenir. Le petit noir du matin, debout au comptoir, un bonheur retrouvé. On est quand même mis au bar, il y a tous les copains qui passent. Dès le 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal. Si les chiffres de l'épidémie continuent de baisser, le ministre de la Santé envisage de nouveaux assouplissements. Ça nous amène à la mi-mars. On pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et chez les enfants. Plus de buée sur mes lunettes, déjà. De plus être obligé de se bagarrer avec nos clients qui ne veulent pas le porter. Chez Thalès, c'est un jeudi noir à l'appel des syndicats. Ils demandent 5% d'augmentation pour 2022, quand leur direction leur en propose seulement 3,5%. Les salariés, leur pouvoir d'achat est en train de chuter. Des salariés souvent cadres ou ingénieurs qui veulent leur part des bénéfices. Car il faut dire que Thalès affiche une belle santé financière. Plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre du jour maintenant, ça se confirme. Le chômage continue de reculer. Il est même maintenant au plus bas depuis 14 ans. 7,4% sur le dernier trimestre selon l'INSEE. Les jeunes retrouvent du travail. Secteur qui embauche le plus, les moins de 26 ans, le commerce, la restauration et la construction. Tu t'attendais au CDI à 23 ans ? Non, pas du tout. À la limite, un CDD, mais je m'attendais plus à galérer un petit peu après mon stage. On va commencer, Jean-Luc Mélenchon, par les salaires. Parce que vous voulez un SMIC à 1400 euros net par mois. Ce sont les entreprises qui paieront ou est-ce qu'il y aura des aides de l'État ? Normalement, le salaire, c'est un aspect, un morceau de la valeur produite. Donc, qui voulez-vous que ce soit d'autre que les entreprises ? Mais ça veut dire quoi, les aides ? Vous savez si l'État doit prendre en charge le salariat de ce pays, on le décide. C'est une forme de communisme intéressante, qui a un intérêt. Par exemple, ça s'est fait quand l'État a pris en charge le chômage technique de tout le pays. Bon, c'était pas mal. C'est une nationalisation de la main d'œuvre. Mais si on ne parle pas de ça, on parle donc du partage de la valeur ajoutée entre le salaire et le capital. Donc ce sont les entreprises qui doivent payer les salaires. Bien sûr, par la force des choses. Alors, 1400 euros. Et puis il y a ceux qui sont juste au-dessus, qui sont à 1450, 1500, qui se disent, ben nous, on va rien avoir. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre ? Alors, il y a un effet, il y a plusieurs effets qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est que de toute façon et toujours, chaque fois que le SMIC a été augmenté, dans les négociations qui sont obligatoires, annuelles, tous les autres salaires progressent à peu près de la même proportion. Donc vous comptez sur des négociations ? Eh ben, bien sûr, parce par que branche, non, mais par l'État n'a pas le pouvoir de fixer les salaires, sinon je les fixerai sans difficulté. Mais on n'a pas ce pouvoir. Alors peut-être que dans une autre constitution, on aurait ce pouvoir, je n'en sais rien. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, quels sont les points d'appui ? On augmente le salaire de base, celui qu'on peut augmenter, on compte sur l'effet d'augmentation sur les autres, on réalise que le salaire étant augmenté, on va avoir un certain progrès de la croissance. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, 53% du PIB, de la richesse qui est produite, est liée à la consommation populaire. Par conséquent, si vous améliorez les salaires des gens, eh bien, comme ils ne placent pas en action, ils dépensent, et ça fait du travail quand, de plus et de la paye pour tout le monde. Quand vous parlez pour être précis, c'est des négociations dans chaque entreprise ou par branche ? Non, alors on va, justement, moi je pense qu'il faut négocier par branche. Et je vais dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a une obligation annuelle. Il faut quand même que tout le monde s'en souvienne. C'est dans la loi. Il y a une obligation annuelle. Mais cette obligation, elle a été faite d'une manière un peu hypocrite. Ceux qui l'ont décidé se sont débarrassés du problème. Bon, non, il faut dire, cette année, il y a une obligation et il y a une obligation de progression. Par exemple, on peut décider, pour les grands groupes en tout cas, ça aura une efficacité immédiate. Vous n'avez pas le droit de distribuer plus de dividendes que vous ne distribuez d'augmentation de salaire. Autrement dit, vous n'allez pas donner tout aux uns et rien aux autres. C'est le cas aujourd'hui d'une des grandes banques de ce pays qui a décidé de ne pas de donner plus d'argent en dividendes qu'en augmentation de salaire. Alors, et puis après, on peut dire aussi qu'on indexe sur la progression des bénéfices qui ont été faits ou des profits qui ont été faits, les salaires des travailleurs. Bon, ça, c'est des décisions qu'on peut prendre. En tout cas, vous savez, beaucoup de Français, évidemment, ont envie de voir leur salaire augmenter. Il faut encore les convaincre. Vous allez voir cet électeur qui a été rencontré dans un porte-à-porte par des insoumis à Paris, il y a quelques jours. Une hausse du SMIC à 1400 euros net. Et il va les prendre où, cet argent ? Ben ça, c'est les patrons qui vont décider. Il va taper sur les patrons ? Bon, moi, je suis un travailleur. Ouais. Oui. Je vois ce qui se passe. Le client qui avait l'habitude d'acheter chez nous, il va changer de fournisseur, il va aller, je ne sais pas, à l'Espagne, au Portugal ou ailleurs. Bonne soirée, monsieur. Merci. Voilà, ce que dit ce salarié, c'est que si on augmente les salaires en France et pas dans les autres pays, s'il y a des appels d'offres, par exemple, d'entreprises, bah, les grands groupes ou des entreprises iront chercher plutôt des salariés ailleurs. Alors, il n'a pas tort, parce que cette technique de la délocalisation à domicile, comme on dit, c'est le statut des travailleurs détachés. Alors, ça tombe bien, j'ai l'intention de l'interdire. Parce Alors, c'est que... pas que ça qu'il dit. Il dit aussi... Attendez, laissez-moi au moins D'accord, dire ça. D'accord, mais il ne dit pas que ça. Bon, mais vous êtes là pour interpréter ce qu'il n'a pas dit, mais que vous avez redire. Compris et pas moi. Mais pour l'instant, j'en reste à ce qui est légal et connu. D'accord ? Donc, ce qui est légal et connu, c'est qu'on fasse venir des travailleurs des autres pays à des prix moindres, puisqu'on dit qu'on paye les cotisations sociales du pays d'origine. Or, dans le pays d'origine, où ils n'en payent pas, où ils n'en payent plus, ou dans ce cas-là, ils n'en payent pas. Donc, nous avons des travailleurs détachés, notamment dans le bâtiment et un peu partout, et j'en profite pour dire, si vous le permettez, que cela sera interdit. Le travail détaché sera interdit en France, parce que c'est un vol de la sécurité sociale française, c'est une misère, car les gens sont traités comme pire que des bêtes, dans les chantiers où ils sont. Par conséquent, ça sera... Alors, quel est l'autre problème ? C'est les appels d'offres internationaux. Voilà, c'est ça. Parce voilà. qu'il dit, voilà, s'il faut choisir entre une entreprise avec des salaires plus élevés et une entreprise qui vient européenne avec des salaires moins élevés, oui. l'entreprise française va aller plutôt chercher l'entreprise ailleurs. Alors, pour faire quoi ? Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Non, ça n'a pas l'air clair bon, du tout, c'est mais clair je peux dans vous votre dire pourquoi c'est pas clair. Parce que c'est pas possible. Bon. Le SMIC à 1400 euros, les gens qui sont au SMIC, ce sont des gens qui sont surtout dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans les métiers de service. Or, vous n'irez pas manger votre sandwich à Hong Kong et vous ne passerez pas par Shanghai pour construire votre maison dans votre lotissement. Par conséquent, le risque est égal à zéro, sauf si on importe des travailleurs détachés. Voilà. Que vous voulez interdire. Voilà. Le chômage baisse, d'après les chiffres officiels de l'INSEE, et surtout chez les jeunes... Non, pas d'après les chiffres officiels de l'INSEE, de si l'INSEE, vous me permettez. Les chiffres de l'INSEE ? Oui, bien sûr, mais attendez, non. Les chiffres de l'INSEE ? Non, les chiffres... de l'INSEE interprété dans la version du BIT, Bureau international Entendu. Du travail. Mais ça baisse surtout chez les jeunes grâce à l'apprentissage. Vous défendez la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans. Oui. Ça veut dire plus d'apprentis ? À 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous avez tout compris, ça se voit. Bon, alors d'abord, je commence par dire que le chiffre de baisse du chômage, selon le BIT, c'est uniquement une catégorie. Nous, Français, nous comptons trois catégories. Oui. Ceux qui travaillent moins de 78 heures, ceux qui travaillent plus de 78 heures et ceux qui travaillent pas du tout. A, B, C. Bien, ça ne compte que A. Donc les personnes qui sont en dessous de 78 heures, qui vont à Pôle emploi, qui s'inscrivent pour demander un emploi, ça compte pas. Or, si on compte tout le monde, on tombe sur le même chiffre constant et stable depuis deux ans. Près de 6 millions. Voilà. On est d'accord. C'est-à-dire le chiffre le plus haut de l'histoire de France depuis 2015, c'est-à-dire depuis que M. Macron s'en occupe. Alors, une fois qu'on a dit ça, on revient, hélas, un peu moins joyeux. Sur l'apprentissage. Non, mais c'est très important, M. Le Tellier, vous allez voir pourquoi. C'est pas juste pour vous river votre clou, vous le méritez. Mais c'est juste pour... Non, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage et qui se sentent coupables, là, qui ont dit, mais comment ça se fait? T'es encore au chômage? Mais... Alors que le boulot a repris. C'est honteux de faire ça aux gens. C'est les humilier pour rien. Mais est-ce que faut le dire. Est-ce que pour vous, l'apprentissage, c'est un avenir pour les jeunes? Est-ce que il faut développer l'apprentissage? Non. Il est assez développé comme ça. Si l'apprentissage correspond aux besoins d'un jeune qui se sent plus à l'aise dans l'apprentissage, tant mieux. Mais vous ne me ferez pas croire, compte tenu de ce qui est mon expérience politique et technique du sujet, puisque j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, que les jeunes gens se soient précipités dans l'apprentissage parce que tout d'un coup, ils ont aimé plus le goût du concret. Pourquoi ? Parce que tout l'enseignement professionnel se fait en alternance. Et que d'ailleurs, il y a de l'apprentissage dans le service public. Donc c'est pas la formule apprentissage, c'est la façon avec laquelle on va accueillir l'apprenti. Savez-vous que près de la moitié d'entre eux quittent leur poste d'apprentissage avant un an de travail pour tout, et c'est surtout pour les mineurs. Quant aux majeurs qui sont dans l'apprentissage, le cas le plus fréquent est qu'ils sont à des niveaux au-dessus du bac. Donc, c'est un autre revenu, c'est une autre relation. Donc, ne globalisons pas. Ce que je veux, moi, par contre, alors là, dur comme fer, c'est qu'il y ait le plus possible de jeunes gens qui passent le bac professionnel ou le BTS, brevet de technicien supérieur. Plutôt que l'apprentissage. Non, mais on peut le faire par l'apprentissage. D'accord. C'est pas le sujet. D'accord. C'est simplement, ça peut être inclus dans ce cursus. Comme j'en veux beaucoup, il faut qu'il passe par l'enseignement public, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un lycée professionnel et que moi, demain, je transformerai ça en centre polytechnique. Pourquoi ? Parce que tout le monde fait des gargarismes sur la nécessité de réindustrialiser la France, mais personne ne dit avec qui. Or, avec le système actuel, celui qu'a mis au point le gouvernement Macron, les jeunes gens sont moins longtemps dans l'apprentissage, dans l'enseignement professionnel, et dans un niveau de performance moins grand. Alors, on termine sur les apprentis eux-mêmes. L'État donne 5000 euros d'aide à une entreprise pour accueillir un apprenti. Donc je voudrais avoir la garantie, si je gouverne le pays, que chaque fois qu'il y a un apprenti dans une entreprise, apparemment il y en a vraiment beaucoup, il a un maître d'apprentissage, et que le maître d'apprentissage a fait la formation nécessaire pour pouvoir être maître d'apprentissage. Et un travail au bout peut-être aussi, non ? Un travail au bout, c'est compliqué. Une autre paire de manches. C'est plus compliqué. Il ne faut pas obliger les gens qui prennent l'apprenti à embaucher. Ça se produit souvent. Mais on parle de l'apprenti qui est resté, pas de celui qui est parti. Oui, oui. Le gouvernement a réformé l'assurance chômage. Aujourd'hui, les critères pour avoir droit aux allocations chômage ont été durcis. Dites pardon, j'ai oublié de dire que chacun des jeunes gens qui ira dans l'enseignement professionnel, si je suis élu, aura une allocation d'autonomie égale à 1000 euros. La réforme de l'assurance chômage, c'est dans le bilan du quinquennat actuel. Est-ce que vous revenez sur le calcul de l'assurance chômage? Et comment? Oui. Bien sûr, et j'y reviendrai par décret, donc on arrêtera ça quasiment à peine arrivé. Vous faites quoi exactement ? Eh ben, comment je fais quoi exactement ? Déjà, je commence par annuler la mesure absurde qui a été prise et qui est extrêmement cruelle. Vous revenez aussi celle d'avant. Puisque elle compte le temps travaillé et le temps pas travaillé. Elle l'additionne sur une durée de temps. Elle dit, si vous avez travaillé tant d'heures, vous avez droit. Résultat, 1 500 000 personnes ont dorénavant une allocation de chômage qui est plus basse. Et puis, deuxième élément que les Français savent peu, c'est que la moitié des gens qui sont en chômage n'ont pas d'allocation. Donc on est vraiment dans une situation qui a été rendue complètement chaotique, et donc il faut y remettre donc de l'ordre. Donc vous voulez un système universel ? Ben, il faudrait qu'on reprenne tout le monde, et qu'on voit ce que ça coûte, combien il en faut, est-ce qu'il faut établir seulement certaines tranches, ou est-ce qu'on restera proportionnel au salaire ? Tout ça à voir avec le niveau des cotisations, ça a un aspect technique, si vous voulez, qu'on ne peut pas discuter secondes sur un plateau. J-49, avant le premier tour d'élection présidentielle, il y a ceux qui ont déjà leurs 500 parrainages et ceux qui doivent encore aller les chercher, notamment. Cette semaine, la tempête a balayé les côtes françaises, mais aussi la campagne, pour tester la résistance des candidats. Et d'abord, Valérie Pécresse, critiquée dans son camp après son meeting raté du Zénith. Vous savez, depuis quelques jours, il semble que je sois la femme à abattre. Alors, vite remonter à cheval, micro en main, pour faire le show. Monsieur Macron va présenter sa candidature. Eh bien, il ferait mieux de présenter ses excuses. À l'extrême droite, le duel fratricide continue, avec pour décor le Mont-Saint-Michel. Éric Zemmour s'affiche avec sa nouvelle prise de guerre. Bienvenue à notre ami Nicolas Bay d'être venu dans sa région, la Normandie. L'ancien porte-parole de Marine Le Pen serait-il parti avec des secrets ? Obtenir des informations sur cette campagne et accessoirement, dans certains cas, les transmettre à un concurrent politique, ça, pour le coup, je considère que c'est de la haute trahison. Pendant ce temps, au Conseil constitutionnel, un convoi exceptionnel apporte les parrainages du jour. Parmi les nominés, Jean Lassalle, qui a su labourer le terrain. Les maires sont au contact. C'est les premiers d'entre nous qui voient nos citoyens tous les jours. Mais seulement, il ne faut pas aller les voir une fois de temps en temps. Les maires souffrent tous les jours. Les maires sont en première ligne. Et j'ai été 42 ans maire. Je crois que j'ai gardé le contact avec eux. En revanche, Philippe Poutou est à la peine. Il ne lui reste plus que 12 jours. Le truc complètement aberrant de cette loi, c'est qu'on fait campagne, on programme nos meetings, y compris jusqu'à la date de l'élection. Tout est programmé, tout est mis en place. On a des équipes militantes, on a des frais qui sont engagés. Et on peut très bien se faire éliminer au 4 mars, en plein milieu de la campagne, en fait. À gauche, c'est dans un beau village de Haute-Provence que Jean-Luc Mélenchon a une révélation. Ça m'envahit. Je suis tellement un homme des villes. Et tout d'un coup, j'ai la preuve du contraire. Me voilà, j'arrive ici et j'ai envie de rester. Ville ou campagne, ce n'est pas cela qui a fait sursauter Anne Hidalgo, mais plutôt le soutien apporté par Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon au nom du vote utile. Jean-Luc Mélenchon, il y a un candidat dont on ne parle pas là-dedans, c'est Emmanuel Macron qui n'est toujours pas candidat. Le jour où il va se déclarer, ça va être un tournant dans la campagne. La campagne va prendre un autre visage. Oui, possible. Bon, ça sera une surprise pour personne. Bon, il trimballera les mêmes casseroles qu'au début, donc on continuera à dire ce qu'on a à dire. Mais j'ai pas envie de commenter davantage pour lui créer un effet qu'il ne peut plus avoir, qui est celui de la surprise ou de l'intérêt. Il est là, bon, il veut renouveler son mandat. Ben, on va parler, on espère qu'il acceptera de débattre, mais même ça, bon, il fait ce qu'il veut. Je pense que les Français sont assez, comment dire, fins, sont devenus assez instruits et malins pour être capables de décrypter les comportements. Le côté l'empereur qui arrive au dernier moment, ça fait plutôt rigoler tout le monde. La surprise, ça a été le soutien que vous avez reçu de Ségolène Royal, qui appelle à voter utile pour vous. Alors le vote utile, on l'entend partout. Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande. Sauf dans ma bouche. Justement, ancienne ministre de François Hollande, dit « Je soutiens Emmanuel Macron, c'est le vote utile ». Anne Hidalgo, PS, estime que le seul vote utile à gauche, c'est elle, parce que c'est la gauche du gouvernement. Vous vous dites « vote efficace ». Quelle est la différence? D'abord, commençons par dire, pendant que vous en êtes à faire des observations fines, tout le monde parle de vote aussi, hein. Vous avez remarqué, vote, et puis bon, bref. Alors, moi, je ne dis rien de spécial. Non, moi, mes amis parlent comme ils veulent, et ils utilisent les mots qu'ils veulent utiliser. Moi, je dis, je propose un programme, je propose un candidat, je propose une équipe. Si les Français en veulent, cela sera appliqué de A jusqu'à Z. S'ils n'en veulent pas, bien, nous retournerons dans l'opposition subir le martyre d'un deuxième mandat de M. Macron. Voilà, point. Pour le reste, je fais confiance à l'intelligence de chacun pour réfléchir. Mais surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on recommence une élection où on choisirait, non pas ce qui paraît juste pour le pays, mais comme un petit calcul de jeu qui a le plus de chances d'eux. Il est certain que si l'on veut la 6e République, c'est pour moi qu'il faut voter, et personne d'autre, parce que personne d'autre que moi ne le propose. Et ainsi de suite, vous pouvez prendre les mesures qui sont prévues. Si vous voulez la planification écologique, venez me voir. Mais si vous n'en voulez pas, votez pour les autres. Vous avez remarqué, à propos de petits chevaux, ici, on ne parle pas de sondage, entre parenthèses. Juste une dernière chose. Il y a beaucoup de socialistes qui sont perdus parce que les votes utiles, les uns les autres. Est-ce que vous imaginez pouvoir récupérer des électeurs socialistes ? Moi, j'essaye de convaincre tous ceux qui peuvent l'être. Et il est évident que par rapport à des gens qui viennent de la gauche traditionnelle, dont je suis issu, mais avec qui j'ai rompu, il est certain qu'en principe, je devrais avoir une meilleure équipe. Il est évident que les électeurs socialistes que je connais, ou même élus ou anciens élus, et qui se déterminent pour moi, le font plus timidement parce qu'il y a eu un tir de barrage que je trouve très injuste contre moi. On m'a accusé de plus être républicain, de ne plus être laïque, que sais-je encore. Mais ça va se faire. Tous les socialistes sont les bienvenus. Vous dites aux électeurs socialistes un peu perdus, venez vers moi. Quel que soit le vote de départ des gens, vous savez, il y a des gens aussi qui viennent de droite, qui votent pour moi. C'est très surprenant. Moi-même, j'en suis tout ébahi. Quand ils m'en parlent, nous faisons à la bonne franquette à Miami, et ils me disent pourquoi. Par exemple, des gens de droite qui disent, nous, on est d'accord avec vous, parce que la ligne de non-alignement, ni sur les États-Unis, ni sur les Russes, la sortie de l'OTAN, on est d'accord parce qu'on est gaulliste ou je sais pas quoi. Si vous voulez, si je vous dis tout ça, c'est pour que on comprenne bien qu'on parle d'une élection dans laquelle on choisit un programme pour le pays. Personne ne peut être d'accord à 100% avec le programme de quelqu'un, fût-ce avec le mien. Mais c'est à chacun d'évaluer où se trouve la ligne générale la plus importante. Pour moi, la ligne générale que j'incarne, c'est une rupture avec un modèle économique et un modèle social. Et aussi, par la force des choses, un modèle de vie, de la place de la France dans le monde. Et maintenant, on va accueillir Néla Latrouche, journaliste politique à France Info, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Néla. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à gauche, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, joli jeu de mots. Samedi ouvre le salon de l'agriculture Jean-Luc Mélenchon, et on se souvient qu'en 2017, vous n'y étiez pas allé en tant que candidat à la présidentielle. Vous aviez expliqué que vous passiez votre tour parce que vous désapprouviez le modèle de l'agriculture productiviste. L'édition 2022 donc ouvre samedi. Est-ce que cette fois vous irez ? Non, je serai à La Réunion et je verrai sans doute, comme c'est l'occasion, des agriculteurs à La Réunion où on a un problème qui est le même d'ailleurs que dans l'Hexagone. C'est comment on fait pour faire tourner une agriculture qui marche à coups de pesticides, de ferme usine et ainsi de suite, à en faire une agriculture paysanne et surtout qui permette à la France d'être autonome et souveraine alimentairement. C'est-à-dire et on que, y arrive. Bon sang, au moins on produit ce qu'on mange. Et on y arrive à votre programme justement pour l'alimentation, pour le bien manger. Puisqu'on est dans les jeux de mots, je me permets cette expression dont vous vous souvenez sans doute. Il y a longtemps, on parlait de gauche caviar, ça n'existe plus. En revanche, aujourd'hui, quand on vous interroge sur ce que vous mangez, vos recettes préférées, vous évoquez, par exemple, le quinoa aux crevettes, et puis de l'autre, si je schématise, Fabien Roussel, lui, se veut l'incarnation de la gauche, du vin, de la viande et du fromage. C'est ici qu'il l'avait dit, d'ailleurs. Est-ce que vous dites la même chose de façon différente, et ça nous aurait échappé, ou est-ce qu'il y a là un nouveau clivage à gauche ? Oh, je crois pas qu'on puisse parler de clivage, ou alors ça serait vraiment déplorable. Je crois qu'on peut, que l'on soit partisan de M. Roussel, être en même temps amateur de quinoa. Bon, bref, pour aller au plus simple, ma bataille principale, elle n'est pas sur ce que vous avez le droit ou pas de mettre dans votre assiette. C'est pas le sujet. Le président de la République va pas en plus faire le menu. Ma bataille, c'est contre la malbouffe, c'est-à-dire contre le fait que la production industrielle de la viande débouche sur des horreurs, comme les fermes-usines, qui sont une source de pandémie, ou bien aboutissent à un épandage généralisé de pesticides qui fait que dans les urines de 90% des Français, on en trouve, ou bien que l'on trouve dans la charcuterie du nitrite, qui est un produit qui est considéré comme vraisemblablement cancérigène. Bref, vous avez compris. Et pourquoi je dis ça ? Parce que pendant la crise de la Covid, on a appris que la cause principale de mortalité, c'était pas la Covid elle-même, c'était que la maladie Covid, lorsqu'elle se conjuguait avec d'autres maladies, était mortelle. Quelle maladie ? Le diabète. Mais le diabète, qui vient de l'excès de sucre, et ça, c'est l'agroalimentaire. Ou les maladies cardiovasculaires, qui elles viennent de l'excès de sel. Mais vous dites donc même... je pense que Fabien Roussel aurait tort s'il n'entendait pas que les premiers qui payent la malbouffe, ce sont les salariés, les travailleurs, les gens du rang, ceux qui ont les payes les plus modestes. Mais vous dites quand même que trop de protéines animales, c'est pas forcément bien. Vous dites qu'il faut réduire, c'est dans votre plan alimentation, il faut réduire de 50% notre consommation de protéines animales. En moyenne. Comment on fait ça ? C'est pas que les fermes usines. Non, mais en réorientant la production. D'abord, il faut que les gens comprennent pourquoi. C'est que la consommation de protéines animales a des conséquences en chaîne. D'abord, des quantités phénoménales de consommation d'eau. C'est 170 litres par jour pour une vache. C'est considérable, alors que nous entrons dans une crise de l'eau. Deuxièmement, il y a des effets de méthanisation qui jouent sur les gaz à effet de serre, qui sont considérables. Et troisièmement, parce que le plus souvent, ce que les gens mangent, ils ne le savent pas, c'est de la viande qui vient, en quelque sorte, comme surplus, des fermes-usines où l'on produit essentiellement du lait et en Allemagne du méthane. Donc là-dessus, pas de clivage avec Fabien Roussel. La réduction de la... Non mais attendez, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les producteurs de viande. Mais les producteurs de viande relocaliseront, cesseront d'emmener, comme c'est le cas, par exemple, pour certains animaux, ils naissent en France, on les emmène en Italie pour engraisser, et on les ramène. Les bêtes restent jusqu'à 29 heures dans un camion, ce sont les normes européennes. Non, tout ça, il faut que ça cesse. Vous Fabien Roussel. Ce n'est pas un clivage avec Fabien Roussel. Et il y a quelques instants, quand Francis vous interrogeait sur l'Union des Gauches, vous disiez, bon, bah, moi j'ai un programme, je ne vais pas le changer de A à Z pour faire plaisir aux uns et aux autres. Pourtant, dans votre équipe, quelqu'un comme Éric Coquerel dit par exemple, ensemble avec Fabien Roussel, nous sommes déjà au second tour, il y a un ajustement qui est possible sur le nucléaire avec l'idée de faire un référendum, donc ne plus être dans la sortie telle que vous proposez. Est-ce qu'il y a d'autres ajustements possibles pour rendre possible une réunion entre vous? Je ne sais pas quel autre, je ne sais pas quelle est la demande, donc je ne peux pas répondre, vous répondre. Mais s'il y a une sur demande, le nucléaire, c'était parfaitement clair. Éric Coquerel a repris quelque chose que nous avons dans nos bagages depuis le début. Quand on a fait campagne ensemble les deux autres fois, les communistes et nous, le nucléaire était mis dans une catégorie qui s'appelait référendum, comme on n'arrivait pas à tomber d'accord. Et s'il faut demain organiser un référendum, moi j'y suis pas hostile. Il y a d'autres parce que je m'aperçois qu'il y a des partisans et des adversaires du nucléaire dans toutes les familles. Maintenant, s'il y avait un référendum, je pense que les insoumis, pas que je pense, je suis sûr, parce que c'est dans leur programme, et moi-même, nous serons pour le, contre le nucléaire, et puis c'est le peuple français qui tranchera, où est le drame, il n'y en a pas. Est-ce que Fabien Roussel peut encore vous rejoindre? Question toute simple. Vous dites, on a des points communs. Est-ce qu'il peut vous On doit être dans l'ordre du 95% de points communs. On vote la même chose à l'Assemblée, on dit la même chose sur tous les sujets. Il se donne un mal de chien pour creuser des différences entre lui et moi. Alors, nous, la partie sur la viande et les frites. Bon, disons que la dignité de nos formations respectives mérite peut-être mieux. Dernière petite question. Mais je le dis sans acrimonie, pour une raison simple. J'ai été deux fois le candidat des communistes. Je ne casserai pas la vaisselle devant tout le monde, parce que M. Fabien Roussel me parle mal. Donc je fais le pari que nous pourrions nous retrouver. Et en particulier, je veux dire ça, si je suis au deuxième tour, je prends l'engagement le lendemain de dire à tous ceux qui ont été au premier tour, ceux qui veulent gouverner avec nous sont les bienvenus, nous pouvons gouverner ce pays ensemble. Je pense que les communistes sont les premiers concernés. Par conséquent, on peut régler tout le problème au deuxième tour, quand à vous condition qu'il soit. Gouverner avec nous, ça veut dire discuter des législatives, y compris avec les communistes. Oui. Bah oui, mais ça c'est normal. Nous serions appelés à former une majorité parlementaire, celle de l'Union populaire. Maintenant, si la campagne continue comme ça, c'est clair qu'on et qu'en plus, je ne suis pas au deuxième tour. Je pense que des gens comme vous vont dire, mais pourquoi vous mettez ensemble aux législatives alors que ça n'a pas été possible à la présidentielle? Vous voyez bien dans quelle contradiction s'enfoncent ceux qui ont choisi d'aller comme ça contre moi, on ne sait plus pourquoi. Néla, merci beaucoup. Hier, une randonneuse de 25 ans a été tuée dans le Cantal par une balle tirée par une chasseuse, je ne sais pas si on dit comme ça, je vais le dire comme ça, de 17 ans, qui participait à une battue au sanglier. Ça crée beaucoup d'émotions et ça relance le débat sur la chasse. Est-ce qu'il faut, d'après vous, revoir certaines réglementations autour de la chasse, par exemple interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires? Écoutez, déjà, commençons par souligner l'abomination de ce truc. Une personne est morte, 25 ans, c'est la vie qui commence. Et l'autre a 17 ans, et voit sa vie gâchée par le fait, naturellement, je suis certain qu'elle n'a pas voulu tuer cette personne. Donc tout ça est une catastrophe abominable qui doit nous faire réfléchir. Alors, ma position, c'est celle qui a été proposée par une proposition de loi du député insoumis Bastien Lachaud, qui avait proposé, comprenant qu'il y avait un conflit d'usage entre ceux qui veulent chasser, ceux qui sont contre, et puis ceux qui sont là et qui n'ont pas envie d'être chassés. Bref, il avait proposé que l'on interdise. Il a fait ça en novembre 2018. C'est donc lui qui a le... Vous avez entendu avant Yannick Jadot? Ah bon? Oui, ben... Je sais pas, parce que Yannick Jadot, il dit qu'il faut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. C'est ça qu'il voulait dire? Exactement. Mais on l'a fait en 2018. Non, mais tant mieux s'il dit pareil. C'est tant mieux pour tout le monde. Je pense en effet qu'on a là un de ces modèles de ce qu'on appelle les conflits d'usage. Personnellement, je ne suis pas pro-chasse, mais autour de moi, dans ma famille, il y a des chasseurs. Justement, c'est intéressant, vous n'êtes pas pro-chasse, mais est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la chasse? Je pense que si je faisais ça, je prendrais un risque considérable d'ouvrir dans ce pays un bazar du tonnerre de Dieu dont personne ne verrait le bout. Donc c'est pas à l'ordre du jour? C'est pas à l'ordre du jour, mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'interdiction, je le dis très clairement, des chasses cruelles. La chasse à la glu et des choses de cette nature. Par contre, pour ce qui concerne les conflits d'usage, oui, il faut que la chasse ne soit pas possible les week-ends et pendant les vacances scolaires, parce que c'est là que le risque serait le plus grand. Deuxièmement, il faut cesser de vendre des armes qui sont aussi puissantes que celles qu'on vend et qui sont, de l'avis même des fédérations de chasseurs, excessivement puissantes compte tenu des gibiers qui se chassent en France. C'est pas la peine d'avoir une arme capable d'abattre un rhinocéros. En France, ça sert à rien, il n'y a pas de rhinocéros. On va terminer là-dessus. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. C'est C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, viens nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Tsar Rabindranath Duval, que j'ai le plaisir de présenter pour la première fois en Europe, grâce à la radio-télévision Jaboun, de l'émission Francis Chandel. Le Tsar Rabindranath Duval est un des derniers descendants des grands tsars de l'Inde. Vous voyez à présent le Tsar Rabindranath Duval en train de méditer, de se concentrer au milieu des fumées. Qu'est-ce que vous faites, votre sérénité? Je respire la fumée de chapeau melon. Ah! Dites-moi, vous êtes en transe? Oui, en transe de melon. Eh bien, c'est parfait. Vous voyez le Tsar Rabindranath Duval, n'est-ce pas, en train de méditer, assis sur son trépied, comme la pitié de Delphes, n'est-ce pas? Et d'où venez-vous, votre sérénité? De manger. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que l'appétit vient en mangeant. Complètement ridicule, n'est-ce pas? Je vous demande d'où vous venez, je vous demande de quelle partie du monde vous venez. De l'Inde. De l'Inde? Ah, vous êtes hindou? Je suis hindou. Bon, et votre père? Hindou. Oui, et votre grand-père? Hindur. Ah. Et dites-moi, votre sérénité, de quelle ville de l'Inde venez-vous? Châteauroux. De Châteauroux. De Châteauroux dans l'Inde, n'est-ce pas? Dites-moi, un détail très intéressant, votre sérénité. Ouais. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous venez de... Il va crever bientôt, n'est-ce pas? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous venez de manger. Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Des clous. Des clous, comme tous les fakirs. Ils étaient assaisonnés? À l'huile. À l'huile. Pourquoi à l'huile? Parce que l'huile est la base fondamentale et rituelle de la nourriture de tous les sars. Ah. Pourquoi est-ce la base de la nourriture de tous les sars? Parce que tous les sars dînent à l'huile. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, il a été la chercher très loin, celle-là, n'est-ce pas? On peut dire que c'est une plaisanterie qui vient de l'Orient, n'est-ce pas? Certainement. Dites-moi votre sérénité, alors, vous voulez vous concentrer un petit peu, n'est-ce pas? Parce que je vous trouve bien dilué, là. Vous avez l'air de penser à autre chose. Alors, concentrez-vous, n'est-ce pas? Je me concentre. Voilà. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une fumée pareille? Bon, mais alors, attendez, je vais vous débarrasser de la fumée. Voulez-vous retirer la fumée du sable? Alors, à présent, vous voyez mieux? Je vois. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Je vois double. Je vois donc, vous voyez? Vous avez une double vue. Comme papa. Ah, c'est parfait. Dites-moi. Je comprends bien, c'est héréditaire. Héréditaire? Ah, c'est atavique. Tatavique. Oui, c'est congénital. Non, c'est congétrobique. Oui, on fait ça encore. Je suis gagné pour ça. Alors, je vous prie de vous concentrer, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais, à présent, je vais vous poser quelques questions. J'aurais mieux de poser des ventes. Alors, votre sérénité, n'est-ce pas? Je vous prie de vous concentrer. Et je vais vous demander, à présent, de me dire quel est le signe zodiacal de monsieur. Là. Je suis placé sous le signe zodiacal du lion et du fox à poil d'huile. Oui. Quel est son caractère? Impulsif et simultané. Oui, et son avenir? Je suis à son avenir devant lui. Il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, c'est un détail très intéressant. À présent, quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Oui. Quel est son avenir? L'avenir est conjugal et prolifique. Ah, prolifique, c'est très intéressant. Il aura des enfants? Oui, des jumelles. Des jumelles? Ah, combien? Une paire. Une paire, ah, oui. Des jumelles, n'est-ce pas? Avec la courroie et les tuiles. Avec la courroie et les tuiles. Il est merveilleux, il voit tout, il sait tout. À présent, votre sérénité, voulez-vous me dire, je vous prie, le signe zodiacal de monsieur? Neptune, Mercure, Chrome. Oui, c'est bien exact, monsieur, parfaitement. Et dites-moi, quels sont ses goûts? Monsieur a des goûts sportifs. Des goûts sportifs, c'est bien exact, monsieur, oui. Et quel est son sport favori? Le sport salut. Non, monsieur, je vous en prie, faites attention. La fin. Le sport cycliste. Le sport cycliste, c'est parfait, c'est bien exact, monsieur. Oui. Parfaitement, je ne lui fais pas dire, mais vous non. Voyez. Et il peut le pratiquer sans inconvénient, ce sport? Oui, à condition de se méfier. Se méfier de quoi? De certaines personnes dans son entourage. Qui estime que sa compétence dans le domaine de la pédale et risque d'exercer une fâcheuse influence sur son orientation sentimentale. Ah, parfait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Qu'est-ce que vous lui conseillez, votre sécurité? Je lui conseille de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon. Eh bien, c'est bon. À présent, alors, je vais vous demander quelle est la couleur des cheveux de monsieur. Auburn. Auburn, de quelle teinte? Noir. Auburn noir, c'est bien exact. Mais quelle est sa taille? Quel est son âge? Entre 18 et 62. Oui, c'est exact. Mais est-ce que vous pouvez préciser davantage? Et pourquoi faire? Ça change tous les ans. Bon, alors, t'as pas non plus. Dites pas sa taille. 1m68 des pieds à la tête, 1m72 de la tête aux pieds. C'est parfait, et son poids? 82 kilos sans eau, sans gaz et sans électricité. C'est bien exact également. Son degré d'instruction? Secondaire. Oui, il a des diplômes? Oui, monsieur est licencié. Licencié? Licencié GL. Licencié GL, ce qui signifie? Il travaille au Galeries Lafayette et qu'on l'a foutu à la porte. Voilà, c'est parfaitement exact, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire à présent? Combien monsieur a-t-il de dents? 32 dents, 2 dents. C'est parfait, c'est exact. Dites-moi, est-ce qu'il a des complexes? Oui. Oui, quel complexe. Quel complexe. Il prend sa WC pour une lanterne. Ah. Et alors? Et alors il se brûle. Eh oui, forcément. La nationalité de madame. Française. Oui, et son père. Esquimau. Oui, et sa mère. Pochette surprise. Mais c'est bien exact également. Dites-moi, votre sérénité, oui. À présent... Oui. Votre sérénité, vous, concentrez-vous un peu, n'est-ce pas? Voilà. Votre sérénité, qu'est-ce que vous pouvez me dire à présent? Je peux vous dire que vous avez plus votre texte. Non. Non, mais... Et puisque vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander, alors, tiens. C'est pas à savoir ce que je vais répondre. Oui, votre sérénité, écoutez... voilà, une question très importante, n'est-ce pas? Ouais. Voulez-vous, votre sérénité, concentrez-vous bien parce que c'est très important, c'est la dernière expérience. Oui. Je veux que vous terminiez sur une crevette, sur un bouquet, je veux dire, pardon. Votre sérénité, n'est-ce pas? Concentrez-vous. Je vous trouve très dilué, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes concentré? Comme du café. Très bien. Il est concentré, vous m'en mettrez 12 boîtes. Votre sérénité, pouvez-vous dire le numéro de la montre de monsieur? Je suis très fatigué. Votre sérénité, je vous pose une question, vous devez répondre. Pouvez-vous dire le numéro de la montre de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est parfait, bravo, votre sérénité. Il est vraiment merveilleux, vous comprenez. Il est sensationnel, il est vareuse, bravo, votre sérénité. Ah oui, j'oubliais, je n'ai pas fait de revue de presse parce que, bon, le programme est déjà suffisamment long comme ça, et par conséquent, je n'ai pas parlé des élections, de ce que ça risque de donner, et notamment de la façon dont les chômeurs et leurs familles risquent de voter. Hein. Rappelons que nous avons 6 millions de chômeurs pour 67 millions d'habitants, en 2022. Hein, France, pays très civilisé, très en avance socialement, politiquement, culturellement. Hein, c'est un pays qui est à la pointe du progrès, la France. Hein. Oui, donc 6 millions de chômeurs. Bon. Et il y a déjà eu 6 millions de chômeurs, c'était en Allemagne, en 1932. Les Allemands, désespérés par cette situation-là, ont cherché pour qui ils allaient voter, et bon, malheureusement pour nous, et malheureusement pour eux, ils ont voté pour Hitler, qui a amené la Deuxième Guerre mondiale, avec les conséquences que l'on sait. 65 millions de morts environ, hein, oui. Alors, si les politiciens ne veulent pas qu'il arrive une catastrophe du même genre en France, qui aurait une conséquence pour trois générations, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, il va falloir qu'ils se dépêchent de prendre des mesures pour faire baisser le chômage, hein. Eh oui. Parce qu'autrement, on va leur souhaiter le pire à ceux qui ne sont pas capables de faire le nécessaire pour améliorer la situation.